Le monde, c'est nous. Avec nos mains nues, sans armes, ni Bible, nous venons au nom du magistère de la parole, sûrement reçu par vous, très chers téléspectateurs, vous donner le complément informatif de ce que vous n'avez reçu nulle part ailleurs jusqu'à maintenant. C'est donc avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme que nous nous retrouvons pour cette seconde édition du débat panafricain pour cette année 2023. Eh bien, ils sont donc autour de nous pour nous permettre de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces différents faits d'actualité. Le tout premier, le docteur Basilikin, l'économiste qu'on ne présente plus, un habitué, en tout cas, de cette longue marche de la lutte de libération du continent africain. Le plaisir est le mien, certainement aussi le vôtre, de l'accueillir chez vous. Bonsoir, papa, bienvenue. Bonsoir et une fois encore, merci pour cette invitation parce que vous savez, Afrique Média, c'est vraiment le monde. Quand je vous dis, je vous ai dit une fois ici qu'il y a des gens qui m'appellent d'un pays aussi lointain que le Japon pour me dire, mais ça fait 3 semaines on vous a pas vu à l'écran. Est-ce que vous avez un problème? C'est pour dire que quand nous avons démarré ici, on a dit les chiens vont aboyer et la caravane va passer. La caravane a peut-être continué d'avancer, mais elle n'est pas encore passée. Parce que la libération de l'Afrique, la totale libération de l'Afrique, le recouvrement de toute sa souveraineté de tous les pays africains, c'est l'objectif final que nous entretenons ici. Et je crois que tant que nous ne l'aurons pas eu, eh bien, nous ne baisserons pas les bras. Une fois que je ne serai plus là, j'espère que des plus jeunes vont continuer. Voilà pourquoi c'est toujours avec plaisir que je viens ici, parce que je sais que une fois que je suis là, c'est pour notre continent que je combats. Non pas que je combatte les autres au profit de notre continent, mais simplement pour qu'il y ait davantage d'équité, pour que chacun profite de ce que la nature et Dieu ont mis à sa disposition, et non pas que l'Occident profite seul de toutes les richesses de notre cher et beau continent. Voilà pourquoi c'est un plaisir et je vous remercie pour cette invitation. Et j'en profite pour dire bonjour aux techniciens sans lesquels on ne nous entendrait pas. Bonjour à nos téléspectateurs et à très bientôt. Oui, merci à vous. Et d'ailleurs, notre credo à votre suite, ne rien dire pour nuire, surtout rien taire pour plaire. Et nous accueillons donc un second invité, c'est sa toute première participation avec nous dans le cadre de cette grande messe du débat panafricain sur Afrique Média Télévision. Il nous sera d'un apport capital, en tout cas pour tenter d'apprécier l'apport donc de la création de nouvelles banques alternatives, visiblement donc à ce que nous propose aujourd'hui ce gangstérisme international ruiné autour de la Banque mondiale et autres fonds monétaires internationaux. Il est docteur ingénieur, monsieur Douma Jean Eren, expert en finance des marchés publics, mais surtout des défis consultant universitaire. Réel plaisir de vous avoir, docteur. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi, monsieur Fabrice Dou, et merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir de pouvoir partager ce prestigieux plateau d'Afrique Média avec d'éminents copanélistes, des panélistes que j'ai souvent admirés devant mon petit écran lors des débats panafricains, notamment le doyen, le docteur Basilikin, que j'ai l'honneur de rencontrer, dont j'ai serré la main tout à l'heure en off. Je vous laisse véritablement, n'est-ce pas, le privilège de pouvoir présenter les autres copanélistes. C'est mon premier plateau d'Afrique Média, c'est le premier plateau que je fais cette année 2023. Je fais d'autres plateaux, n'est-ce pas, surtout l'année passée. Et donc, pour moi, symboliquement, c'est un signal fort par rapport à la modeste contribution que je vais apporter cette année et même par rapport à mes différents projets. Parce qu'Afrique Média, c'est la première chaîne de télévision du monde. Hein, parce que le monde, c'est nous. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est la toute première chaîne de télévision panafricaine, n'est-ce pas, en Afrique. Et donc, par ricochet, forcément, la télé la plus regardée, la plus suivie dans le monde. Parce que je dois dire que les débats que vous menez souvent, que vous dirigez souvent avec pugnacité et perspicacité, ont transformé beaucoup d'individus au-delà de l'Afrique. C'est vraiment à partir de l'Afrique, l'humanité s'est réveillée et continue de se réveiller. Parce que vous voyez bien qu'en Occident, par exemple, nos frères et sœurs en Occident nous donnent l'impression d'avoir tout accepté, d'avoir tout gobé et de se laisser marcher dessus. Donc, bravo à vous, bon courage. Je profite pour dire bonjour à l'équipe technique. Je présente mes voeux de bonne année, même si c'est juste pour la forme. Bonne année de santé d'abord à tous ceux qui nous regardent, au top management d'Afrique Média, à vous-même, vos familles. Cette santé doit être une santé au pluriel, la santé sanitairement parlant, la santé financière, c'est important, la santé culturelle, la santé liée à nos valeurs, tout ceci doit être en harmonie, et puis de prospérité, parce que véritablement le combat que nous menons, c'est pour restaurer l'individu dans les conditions, n'est-ce pas, de vie optimale, parce que l'abondance, il y en a pour tout le monde, même si une certaine élite, entre guillemets, s'est accaparée le droit de dire qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Donc, aux milliards de téléspectateurs d'Afrique Média, mes voeux les meilleurs. D'accord. À tous ceux qui nous regardent. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous, nous sommes fort aises de votre présence sur ce plateau. Le troisième invité, c'est un habitué de ce rituel. Je ne sais pas par quel bout commencer par le présenter. En tout cas, Bertrand, vous êtes des nôtres dans le cadre de cette édition. Bon après-midi, M. Bertrand Patida. Merci beaucoup, M. Fabrice Ndon. Merci de m'avoir invité. Je commence par toutes mes civilités au doyen, au cher René, qui nous a aussi inspiré et qui est là aujourd'hui. Ça fait effectivement 2 semaines, nous avons travaillé ici, disons comme ça, sans lui. Nous sommes contents de l'avoir, de l'accueillir, et je crois qu'il va beaucoup nous éclairer sur cette nouvelle orientation des BRICS. Tout à fait. À mon frère de droite, j'ai dit tout simplement bienvenue. On fait d'autres plateaux ensemble, on a fait d'autres plateaux dans le passé, on a des relations extrêmement fortes. C'est le débat panafricain. Vous serez suivi, vous serez écouté. Et comme nous disons souvent, c'est l'arbre à palabre. Dès la semaine dernière, moi j'ai décidé que je ne faisais pas de débat. Que le dimanche ici, moi j'allais parler aux Africains. J'allais parler aux Africains pour leur dire ce que nous pensons de certaines situations, que ce soit politique, géopolitique, économique. C'est dans ce cadre que moi, je veux parler de quelque chose qui est en même temps sérieux et qui peut discréditer le Cameroun sur du long terme si on ne prend pas des décisions fermes assez rapidement. Il s'agit de ce qu'on appelle l'affaire du stade de Olembe. C'est un problème parce que ça a failli discréditer le nom du président. Vous savez que des gens ont voulu que ça porte le nom du président. Vous vous imaginez ? Si cette histoire portait le nom du président, stade de Paul Biya, et il y a des Camerounais, moi je les appelle une forme de ce qu'on peut appeler le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. Et les techniques mises en place sur le stade Olembe, on les a vues par le passé. Je vous donne quelques exemples. Vous vous souvenez d'une entreprise dans ce pays qu'on a appelée GIA? Cette entreprise, on nous l'a présentée comme une entreprise d'intermédiation financière, d'une entreprise qui a pignon sur rue, sur toutes les places financières, qui peut lever les fonds, qui peut lever l'argent, et les financiers sont allés dans des explications extrêmement compliquées. Cette entreprise s'appelait GIA. Et elle devait servir à quoi? À rien du tout. Sauf que le clan des Siciliens va l'imposer comme intermédiation dans l'achat du BBJet 2 du président de la République. L'affaire du BBJet 2 du président. Et que vont faire? Que va faire le clan des Siciliens? Le clan des Siciliens trouvera 2 millions d'euros qu'ils iront donner à Boeing. Et dit, lance cet avion. C'est l'avion du président. Boeing va lancer l'avion. Fabriquer l'avion. Appeler le Cameroun et dit, venez réceptionner l'avion. On n'aura jamais l'avion. Mais avant de donner les 2 millions de dollars, on va dire au Cameroun qu'il manque 31 millions de dollars, 27 millions de dollars. Parce que le BBJet coûtait 31. Il faut 27 millions de dollars. L'État du Cameroun va chercher 27 millions de dollars. Mais on va expliquer que faut pas donner directement ça à Boeing, il faut passer par GIA parce que c'est une intermédiation, c'est une entreprise vraiment. On va passer cet argent via GIA. On n'aura jamais l'avion. On ne va jamais retrouver la trace des 27 millions de dollars. Mais ce n'est pas là où l'affaire m'a choqué. L'affaire m'a choqué que quand on est allé voir Boeing et dire que mais est-ce que cet avion est fini? Boeing a expliqué que tout est terminé, y compris de nouvelles fonctions liées au fait qu'il fallait un certain nombre de fonctionnalités sécuritaires parce que c'était un avion présidentiel. Nous ne meublons pas. Il y a une entreprise à Genève qui meuble. Ils vont aller rencontrer la femme du président, maman Chantal Biya. Voilà le catalogue. Choisissez l'ameublement intérieur. Alors que le clan des Siciliens avait déjà mis les 27 millions de dollars dans la poche. C'est-à-dire qu'ils vont aller narguer le président, son épouse, pour un meublement d'un avion qu'ils avaient déjà mis dans la poche. Vous vous souvenez d'une entreprise dans ce pays qu'on va appeler APM? Cette entreprise était chargée des audits. Elle venait de Londres. Qu'est-ce que le clan des Siciliens fera? Ils iront dans la poubelle à Londres. Ils vont ramasser un Londonien dans la rue. Le nettoyer, lui faire une coiffure, costume, habillé, parfumé, amener à Yaoundé, expliquer que c'est lui le directeur général. Il peut faire les audits de la caméra, il peut faire. Ce monsieur a pris la peine à vie au tribunal criminel spécial. Parce qu'il n'était que l'interface d'un plan savamment monté par le clan des Siciliens. Et aujourd'hui, il y a la même situation à Olembe. Via une entreprise qu'on appelle Maguil. Maguil existe. C'est une grande entreprise de BTP. Quoi qu'on peut dire d'un pays comme le Canada, c'est un pays construit. Construit par des entreprises canadiennes. Il ne s'agit pas ici de dénigrer le savoir-faire canadien en matière de BTP. Mais Maguil Cameroun, là, c'est l'interface du clan des Siciliens. Ils viennent de partir, abandonnant le Cameroun à son triste sort avec 48 milliards dans la poche, un complexe non terminé, un stade dont les écailles de pangolins sautent au gré du vent, abandonnant le chantier dans une poussière indescriptible. Allez à Yaoundé, vous allez à Olembe. Poussière indescriptible. Dans quelques jours, Olembe sera le refuge de bandits de grand chemin. Se cacher. Nous ne sommes pas la justice. Nous ne sommes pas la justice. Nous expliquons, pour comprendre l'affaire de Maguil, il faut s'inspirer des affaires du BBJet 2, de APM, d'un certain nombre d'entreprises où on prend les intermédiations. La betterave a perdu. Est-ce qu'on va continuer à observer alors que là, on a un autre scandale? C'est une question piège parce que je n'ai pas le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir suprême. Et il ne voit que du feu. Parce que chaque fois qu'il les attrape, dans le cas de BBJet de l'avion présidentiel, il a mis 10 ans pour les prendre. 10 ans. C'est-à-dire qu'il a voulu voir clair dans cette histoire. Je suis convaincu qu'il s'est dit, ils ne mourront plus. Et voilà ça. Voilà ça. Mais cette entreprise a aussi le marché de la pénétrante est de la ville de Douala. Complètement abandonnée. Complètement abandonnée. Et on se rend compte aujourd'hui qu'un certain nombre de cadres, beaucoup de cadres de cette entreprise, sont des mercenaires, des responsables de la Légion étrangère française. Le patron arrêté en Ukraine, dans une affaire compliquée. Le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. Vous ne vous souvenez pas, je chute par là. D'accord, Bertrand. Quand on dit que la justice doit rendre justice. Mais moi, j'ai envie de poser la question, quelle justice? Vous ne vous souvenez pas ici d'un magistrat, premier, deuxième grade, juge d'instruction en Dokoti, qui a écrit au président de la République et dit: Monsieur le président, ayez pitié de moi. J'ai rendu une mauvaise justice. J'ai trahi mon serment. On m'a dit de condamner le directeur du port autonome de Douala. Il n'a rien fait, mais je devais le condamner parce qu'on a dit qu'on allait écraser ma petite carrière de magistrat. Pitié, monsieur le président. Vous vous souvenez pas de ça? Tout à fait. J'ai le courrier adressé au président de la République, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature. Quand on a ça dans la justice ne peut pas aussi être soupçonnée. En tout cas, une partie de la justice ne peut pas aussi être soupçonnée d'appartenir au clan des Siciliens. Et quand la justice appartient, une partie de la justice appartient au clan des Siciliens, une partie de la justice à Saint-Antoine, qui rendra justice? Qui rendra justice? On nous dit non, la justice n'est pas en quelque sorte, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Elle a son temps, la justice. Mais dans le cadre des procédures du port autonome de Douala, nous avons vu des magistrats travailler le samedi. On a vu la célérité avec la justice jeudi. Vendredi, les magistrats ont travaillé. Samedi, ils ont travaillé. Ils ont rendu la décision lundi. On a demandé de faire une application de la justice. C'est-à-dire, aller faire arrêter le directeur du port autonome de Douala. Tout à fait. Il rentre même d'un voyage. Tout à fait. Où il est allé défendre les intérêts du port. On l'attend à l'aéroport avec les menottes. Et dit, on est venu vous arrêter. On est venu vous arrêter, monsieur le directeur du port autonome de Douala. Quelqu'un qui, juste, faisait appliquer les instructions présidentielles pour que notre port ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Allez voir la place portuaire de Douala. Je chute avec une entreprise qu'on appelait DIT, le clan des Siciliens, une entreprise DIT. Il y a un directeur de port autonome qui a demandé de faire chasser cette entreprise, car c'est une entreprise criminelle. Personne, monsieur Yono, qui l'a écouté? On a plutôt mis un scandale sur sa tête qu'il avait acheté 3 journalistes pour expliquer qu'un intouchable de ce pays a touché les commissions dans l'affaire d'un bateau acheté en Turquie et mis à l'époque qui a été rétrocédé au bataillon d'intervention rapide. Ce monsieur est mort en liberté grâce à sa situation de santé. Il était décidé qu'on le fasse arrêter, qu'on le jeta en prison et qu'il mourut en prison. Père son âme, un grand patriote. Il a rendu d'énormes services au port autonome de Douala. Donc, quand vous voyez McGill, McGill, c'est pas une. Je dis McGill Cameroun. Cameroun. Ouais. C'est pas une entreprise camerounaise. C'est une entreprise du même type que DIT, du même type que GIA, du même type que APM. Toutes ces entreprises d'intermédiation, d'interface, dans laquelle on est allé chercher un certain nombre de mercenaires blancs. Parce que quand vous amenez au Cameroun des blancs, des mercenaires blancs, on a présenté au président de la République l'État a sorti l'argent. On n'a pas vu d'argent. Et ces mercenaires blancs, certains ont pris la poudre d'escampette. Le clan des Siciliens. Question. Supposons qu'ils veulent le pouvoir. C'est même un honneur dans son pays, quand on est engagé dans l'action politique, de vouloir, d'ambitionner, diriger son pays. Le NNP veut le pouvoir. Nous arriverons au pouvoir. C'est comme ça qu'on veut le pouvoir. C'est comme ça qu'on se comporte quand on veut le pouvoir. Il veut le pouvoir. C'est normal. Ce sont des intouchables, des puissants, des très puissants. Ils peuvent tousser à Yaoundé là, ici. 4 bataillons d'intervention rapide me prennent, moi, monsieur Tatinda. T'humilies, les snappers tirent sur Facebook. Ils ont cette puissance-là. Oui, vous êtes puissant. Vous voulez le pouvoir. C'est comme ça qu'on se comporte quand on veut le pouvoir. C'est les démarches qu'on mène quand on veut le pouvoir. Et le ministre des Sports qui écrit aujourd'hui en disant que je ne connais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est que McGill Cameroun ne se comportait pas bien. Vraiment, monsieur le président, eh ben, et à la fin... Il a comme quoi demandé à l'État camerounais de pouvoir solliciter, voilà, solliciter les entreprises locales pour pouvoir... Il donne même une consultation juridique en disant au président que non, maintenant l'expertise locale peut faire les travaux avec l'argent public. Pourquoi il n'a pas pensé par le passé? Mais vous voulez que je vous donne le nombre de scandales financiers quand l'État du Cameroun a engagé l'expertise locale et l'argent public local? Je réponds au ministre des Sports. Si le président de la République aujourd'hui décide d'engager l'expertise locale, l'argent public local, ça ira mieux? Vous en prenez l'engagement, monsieur le ministre des Sports, ça ira mieux? C'est un autre débat. Et cette entreprise McGill, avec 98% de ses sous-traitants, l'expertise locale. Est locale, ouais. Comment on va donc chercher une entreprise montée par le clan des Siciliens, avec des mercenaires français, des responsables des services secrets français, des babouses françaises, dont la secrétaire touchait 11 millions, les secrétaires touchaient 11 millions, les cadres touchaient 25 millions, 50 millions. Voilà les salaires qui encaissaient 90% de rallonge budgétaire de 55 milliards. Alors que quand l'entreprise est mise en Olembe, elle fait une conférence de presse et explique aux Camerounais que je n'ai pas besoin qu'on m'avance de l'argent. Tout à fait. J'ai la surface financière qu'il faut, je vais finir les travaux et je verrai avec l'État du Cameroun. À peine elle s'est engagée sur les travaux, qu'elle va demander l'argent à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun lèvera 55 milliards à la chaque banque et bien elle va s'enfuir avec l'argent. C'est, je veux dire, le président nous a annoncé un certain... Moi, je préfère parler de ça, je pars. C'est important pour nous. C'est nous oui, mais vous avez un homme politique. On vous a suffisamment écouté sur ce sujet. Le président a annoncé un certain nombre de travaux miniers l'année prochaine. Tout à fait. Il y a deux questions posées au président, patriarche président. Avec les mêmes patriarches présidents, regardez les comportements sur 165 milliards. Je rappelle que le fer de Balaam, on parle de 14 000 milliards d'investissements monté par un Camerounais et un consortium chinois et hongkongais. Ils seront vertueux sur 14 000 milliards. Je parle seulement Balan parce qu'il y a 530 de chemin de fer et le terminal minéralier à terminer. Voilà le comportement du clan des Siciliens sur 65 milliards. Sur 14 000 milliards qui va engager 530 kilomètres de chemin de fer, un port sec à Edeya, un terminal minéralier, une entreprise sidérurgique. Ils seront vertueux. C'est là qu'ils feront alors ce qu'on appelle le véritable coup d'État pour prendre le pouvoir. Je ne crois pas que les mêmes peuvent mener les projets du président l'année prochaine. Vous savez que nous sommes des soutiens indéfectibles du président. Indéfectibles du président. Ça nous vaut insulte, menace de mort, tout ce que ça nous vaut. Nous soutenons le patriarche président. Mais moi, monsieur Tatinda, je ne crois pas au projet que le président nous a initié. Si effectivement, il fallait que ce soit géré par le clan des Siciliens. D'accord. Merci à vous, Bertrand Tatinda, pour ce coup de gueule, monsieur, qui nous permet véritablement de nous intéresser à ce sujet local au Cameroun qui défraie quand même la chronique. Nous allons compléter nos civilités ce matin avec le quatrième invité, pas de moindre, loin de là, sa verve, son intelligentsia, ses prises de position traversées. Il s'impose désormais comme au-delà d'un doc, une véritable boussole pour les générations présentes, mais surtout c'est l'avenir. Quand on l'a dit, on voit un faciès, une tranche, président Manakani. Nous avons l'immense plaisir et honneur de vous accueillir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bon après-midi. Merci. Fabrice Ndom, on ne s'est pas dit meilleurs vœux. Je ne vous ai pas vu. Jusqu'ici. Acceptez mes meilleurs vœux. Tout à fait. Merci, président. Et ces vœux s'inscrivent dans un bonheur qui a commencé depuis parce que vous êtes père d'un enfant. J'ai hâte de le voir. Permettez-moi, en mon vision, de présenter mes meilleurs voeux à la mère de cet enfant. Tout à fait. Cette fille extraordinaire qui est votre épouse et que j'aime beaucoup. Nous remercions les cieux, gouvernés par le vrai Dieu, d'avoir permis qu'un tel bonheur nous arrive en début d'année. C'était entre la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais présenter mes civilités à mon papa, notre papa, le docteur Edouayen Basileki. J'ai toujours dit qu'on a la chance d'avoir quelqu'un de son âge, de son statut, un papa au sens africain du mot, qui vient s'asseoir ici chaque dimanche avec nous et crédibilise notre discours par la sagesse qui est liée à son âge et l'autorité de l'âge et ce qu'il représente en termes de ceux qui se reconnaissent dans son âge. Papa Basileki recevra mes meilleurs voeux cette année. Vous m'avez fait une surprise en recevant sur ce plateau quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de l'estime. Et que docteur Douma-Janvier. Oui, il est ici pour la première fois du mois avec moi. Tout à fait. C'est un bonheur immense. Je lui souhaite mes meilleurs voeux. Je pense que je vais passer un très bon après-midi parce qu'il est avec moi sur ce plateau. Et j'ai une pensée pour son épouse qui est une amie à moi. Je salue. Bon, que dit de mon frère? Est-ce que je dois encore parler de mon frère? C'est mon frère, ça va? Je ne dis pas plus, c'est mon frère, ça suffit comme ça. Et je salue les téléspectateurs du débat historique. Ils sont fidèles à cette émission, à cette chaîne, chaîne historique, chaîne d'honneur, chaîne de combat, chaîne d'innovation en matière de journalisme. Vous avez tellement innové que vous avez rendu fou le petit garçon de l'Élysée qui ne comprend pas le type de journaliste que vous faites. Et au lieu de se taire, il a osé vouloir critiquer et analyser. Et en le faisant devant le monde entier, il a démontré qu'il était petit face à nous. Il est désormais petit face à nous. Cette petitesse renseigne sur les évolutions du continent africain en matière géopolitique. Nous sommes loin, il faut rester loin. Peu importe, ce n'est pas une affaire que toute l'Afrique suit, ce n'est pas ça. Il s'agit, est-ce qu'une avant-garde a compris les enjeux? Est-ce que cette avant-garde est téméraire? Est-ce qu'elle est déterminée? Ça suffit. L'histoire est faite par les minorités agissantes. Ce ne sont pas les grandes majorités qui commencent les grands mouvements historiques. Donc nous sommes fiers d'être là. Merci de m'avoir invité. Je pense que je vais me lier à un thème que j'ai rencontré là sur le plateau. Sur le scandale. Maintenant, c'est à vous de me dire comment je vais m'introduire dans ça. Du moins, jusqu'ici, la question peut-être. C'est un coup de gueule. Parce que c'est un sujet important. Le sujet dans lequel c'est sur Nicolas Sarkozy. Mais si vous souhaitez y accoler un commentaire, la question, c'est. Jusqu'à quand on va stopper la saignée, parce que Bertrand a tenté de revenir sur cette longue liste des scandales à répétition au Cameroun, et toujours le chef de l'État annonce qu'il va mettre la main sur les prévaricateurs de la fortune publique. D'ailleurs, son récent discours, il a dit, mais après, son agenda n'est certainement pas le nôtre, mais jusqu'à quand, président Bonacan? Je pense que Bertrand a suffisamment apporté des détails croustillants et précis sur la situation de la corruption au Cameroun. Je pense que tout ce qui s'est dit sur la corruption, ce serait dans un non-dit. Et comme c'est un non-dit, nous on peut le dire, parce que nous sommes là pour dire ce que personne ne peut dire. Nous avons déjà dit que le Cameroun est né dans la corruption. Bon, ceux qui découvrent la corruption, c'est-à-dire les effets, tels qu'ils se manifestent dans le voyeurisme d'État, manifesté par certains ministres, de hauts fonctionnaires, sont jeunes. Historiquement parlant. Mais ceux qui ont une certaine ancienneté dans l'analyse et la compréhension des enjeux du Cameroun savent que le Cameroun est né dans la corruption. C'est une corruption historique dans la création de ce pays par De Gaulle, c'est-à-dire la France, qui par un décret a créé le Cameroun et a fabriqué son élite politique et l'a créée pour qu'elle fasse ce qu'elle est en train de faire. Nous avons appelé ça le joulatisme. Eh bien, Lando Colonna. Donc, la corruption au Cameroun est la caractéristique principale de l'État qu'on appelle le Cameroun, l'État camerounais. C'est depuis les années 60 et même avant. C'est-à-dire, nous sommes là à la création de cet État-là. Alors, il y a tout un cycle de lutte contre la corruption. Bon, il y a des philosophes qui ont dit que non, on ne lutte pas contre la corruption, on lutte contre les corrompus, concrètement. Si vous luttez contre la corruption, vous ne faites rien. La question de savoir si les différents cycles de lutte contre la corruption permettent aujourd'hui de passer à l'étape décisive, qui est la liquidation de Lando Colonna qui accompagne le président jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Tassine Ndiaye est en train de poser comme problème. C'est de cela qu'il s'agit. Le président lutte contre la corruption et les corrompus. Nous, on comprend très bien le jeu politique qui est entre la corruption et les corrompus. Ça se confond souvent. Nous connaissons les contraintes qui pèsent sur le président. Nous savons très bien que si vous luttez contre la corruption au Cameroun, vous êtes en train de démanteler tout le système colonial qui se cache derrière l'infrastructure étatique et le personnel politique tel qu'il a été fabriqué historiquement. Ce n'est pas facile. Ils connaissent les rouages de l'État. Ils sont au cœur de l'État. Ils ont colonisé même l'État. Ils sont là à l'intérieur. Si vous allez sans méthode, l'État peut s'effondrer. On a compris ça. Mais on arrive à un niveau où aujourd'hui les conditions sont réunies pour liquider cette infrastructure historique. Il faut la liquider. Parce que si elle n'est pas liquidée, on ne peut rien faire de bon au Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Le président lutte depuis contre la corruption. C'est malhonnête de ne pas le reconnaître. Il y a des prisonniers. Les faits sont là. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le discours du corps diplomatique, maintenant il y a un consensus quasi-diplomatique entre le président et le corps diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs, hein, mais... Le corps diplomatique, qui dans son propos rejoint le président dans ce diagnostic de la nécessité d'être implacable contre la corruption. Et c'est ce que le doyen du corps diplomatique l'a dit. Il a dit au président qu'il faut des mesures énergiques contre la corruption. Et d'ailleurs, c'est même le bar. Si on écoute le corps diplomatique, ça va être le baromètre, n'est-ce pas, pour voir si l'horizon du pays en matière de capacité à digérer certains investissements vont être acquis. Donc, nous, 2023 doit inaugurer un nouveau cycle de lutte contre la corruption. Ce cycle est obligé d'être radical. Parce que, au Cameroun, on arrive à un niveau où ça passe ou ça casse. C'est la continuité de l'État, c'est-à-dire dans sa capacité à traduire en termes concrets les orientations présidentielles, de l'institution présidentielle, pour qu'enfin, les Camerounais soient en capacité de vivre mieux et de vivre bien. C'est là où on est. Donc, il faut des mesures radicales. Les choses sont claires. Les faibles performances de l'administration camerounaise en matière de réalisation des projets. On ne peut pas faire des projets, ça dure 15 ans, ça dure 20 ans. Au point où les délais entre l'amortissement et l'exécution de projets se confondent. Et du coup, on double la dette, on dédouble. Les intérêts augmentent. À la fin, la dette augmente. Parce que, en termes de délai, les délais d'amortissement se confondent avec les délais d'exécution. On a même vu ça dans le monde, c'est un problème. Ces faibles performances en matière de réalisation de projets ne peuvent plus être supportées par le Cameroun. C'est ça qui se traduit dans l'inflation, dans la faiblesse de l'État camerounais à gérer les contraintes internationales à son avantage. Il y a des acquis. Je ne suis pas un nihiliste. Je ne vais jamais me ranger du côté de l'anti-biaïsme primaire. Nous savons ce que nous cherchons en politique. On ne nous impressionne pas par la terreur. Il y a un discours qui ne sera jamais le nôtre. On l'a démontré. Nous ne sommes pas dans l'anti-biaïsme primaire. Mais qu'il s'agit de défendre les intérêts du Cameroun et poser sur la table un ensemble de problèmes, il faut le faire sans état d'âme. Ce gouvernement, tel qu'il a été programmé depuis 30-40 ans, est incapable, n'est-ce pas, de sortir du Cameroun du cycle de l'inflation. C'est-à-dire du cycle de l'appauvrissement. Il faut un nouveau cadre gouvernemental au Cameroun. Ça fait pratiquement 5-6 ans que nous le disons au niveau du NMP. Il faut un nouveau cap. Et ce nouveau cap n'est pas possible si on ne démantèle pas l'infrastructure de la corruption au niveau le plus élevé de l'État. Ce que nous disons, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a, en matière de ressources humaines, en matière de personnel, des figures qui ont été utilisées jusqu'à présent pour réaliser les objectifs de l'État dans notre pays ont atteint leurs limites historiques. Faut un nouveau cap. Vous ne démarrez pas un nouveau cycle étatique avec ce qu'on appelle le déclenchement de la mise en valeur des ressources non extra-budgétaires. C'est ça les trois méga-projets. C'est que ça signifie. Le président l'a dit. C'est-à-dire que le Cameroun est un sous-sol extrêmement riche, mais il n'est pas valorisé à plus d'1%. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, on a fonctionné sur les ressources budgétaires. Les ressources budgétaires sont basées sur la pression fiscale. Que ce soit la fiscalité d'assiette ou de porte. Cette assiette-là, on a tellement pressuré qu'elle atteint, elle atteint ses limites. C'est d'ailleurs ce que signifient les mouvements de certains exportateurs de bois qui disent qu'ils vont plus boycotter en douane. Bon, c'est bien pour nous, hein, l'environnement va respirer un peu. Mais ça signifie au moins ça. Quand ça commence comme ça, ça veut dire que vous êtes dans un épuisement en matière de ressources fiscales. C'est pour ça que le président inaugure un nouveau cycle dans la capacité de l'État à générer des ressources nouvelles, les sources extra-budgétaires. C'est pour ça qu'il lance les méga-projets. Et il a dit lui-même que ça va dégager les capacités d'investissement pour l'État. Alors moi, je rejoins Bertrand Tassina à la fin. Je ne sais pas ce que Dr. Basile qui est doumand dit sur la question. Je le rejoins à la question exemple. Est-ce que cet attelage gouvernemental peut gérer ces méga-projets? Il ne s'agit pas de compétences techniques. Certains en ont, ils en ont, hein. Les compétences morales, les compétences éthiques, les compétences déontologiques. Est-ce que cet attelage gouvernemental est à ce niveau? Non. Et les Camerounais sont impatients. Non. Ils ont fait assez d'efforts comme ça. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes sur l'ajustement. Ça fait 30 ans de résilience. Quand on vante la résilience de l'économie camerounaise, c'est le fait de l'État, oui, mais c'est surtout le fait de la résilience des Camerounais. Ils sont en droit de voir dans leur panier de la ménagère au quotidien les fruits de la résilience. Et ce qui empêche ça, c'est cet attelage gouvernemental qui ne comprend pas les enjeux en termes de redevabilité de l'État à l'égard des citoyens. Ils sont pas outillés pour ça, ce sont des endocolons. Ils considèrent la population comme des indigènes. Ils sont dans les perspectives et dans la culture indigéniste. On rencontre à personne. On est fort. Tant que Paris nous protège, tant que nos alliés extérieurs nous soutiennent, on est fort. Rien ne va changer, on est là. On fait la magie noire et puis on s'installe au cœur de l'État. On tue ceux qui parlent fort. On a les moyens de rester au cœur de l'État. Ce type de fonctionnement est complètement en décalage avec l'évolution de la situation au Cameroun. Le président patriarche doit tenir compte de ça. Nous donnons pas, on ne donne pas les ordres à un patriarche. On ne donne pas les ordres au président. Mais nous disons, en tant que petit porte-parole d'une opinion camerounaise, d'une partie du peuple camerounais qui nous fait confiance, nous disons que voilà ce que les Camerounais pensent à ce niveau et sur la base de nos enquêtes sur le terrain. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut un grand coup de pied dans la fourmilière gouvernementale. Il faut chasser... Non, c'est pas le remaniement. Non. C'est le père remaniement. Ça fait 36 000 remaniements. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit comment le cœur de la justice au Cameroun, c'est un problème. Cette justice que nous avons là ne peut pas rendre justice. La justice, c'est un problème. La justice, c'est un problème. Il y a un temps pour le remaniement. On a compris qu'il y avait le remaniement. On connaît que pas facilement à un moment donné. Jusqu'à une certaine période, il fallait l'ordre de Paris pour changer un ministre. On connaît tout ça. Ouais. C'est passé ça. On a dépassé ça aujourd'hui. Il faut un nouveau cap gouvernemental. Il faut fixer de nouvelles exigences à un gouvernement et chronométrer l'évaluation des résultats au quotidien. Et ça doit se traduire en termes d'amélioration concrète dans le panier de l'aménager et le niveau de vie de l'État et le niveau de vie des Camerounais. C'est ce qu'on est en train de dire. Et le Cameroun a les compétences pour ça. Il revient au président, au niveau de son magistère, de prendre des décisions qui s'imposent. Nous, on ne lui donne pas les ordres. Hein. Merci. Nous respectons l'âge du président, nous respectons sa stature. Vous avez vu comment le corps diplomatique lui donne les honneurs qu'il mérite. C'est un grand monsieur. C'est un monument. Il faut qu'on lui donne toutes les chances de terminer son parcours dans la grandeur et l'honneur. Et pour que ça soit fait, c'est dans le panier de la ménagère, au quotidien, qu'on doit devoir mesurer ça. D'accord. Merci à vous, président Banda Kanié. Eh bien, très cher docteur Basilikin, docteur Douma, nous, on va faire un saut pour rentrer de plein pied donc dans notre sujet avec cette décision rendue à public il y a peu. C'était justement vendredi, le gouvernement de transition du Mali a donc décidé de gracier les 46 plus 3, 49 mercenaires ivoiriens interpellés donc le 10 juillet dernier du côté de Bamako, malgré on va dire le jugement qui a d'ailleurs été rendu contre ces derniers, un acte qui une mesure, si on s'en tient au deuxième communiqué de l'année, une mesure de grâce prise donc par le président qui vient ainsi conforter donc cette dynamique créée suite à la signature à Bamako le 22 décembre 2022 du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité, mais surtout de bon voisinage entre la République du Mali et celle de Côte d'Ivoire. Docteur Basilikin, nous vous donnons la première prise de parole autour de ce fait d'actualité. Quelle analyse faites-vous de ce fait d'actualité? D'abord, j'exprime ma sincère satisfaction de l'habileté, du savoir-faire et du sérieux avec lequel les jeunes gens qui sont au Mali, parce que ce sont pas des politiciens, c'est peut-être noble du terme. Oh, oui, voilà, merci. C'est des militaires. Mais vous savez, quand on doit agir, souvent l'instinct sert de connaissance. Parce que on a vu, je ne sais pas si tout le monde a regardé cette vidéo dans les réseaux sociaux, Monsieur Ouattara rappelait, donnait une litanie de toutes les responsabilités qu'il a occupées. Il a été au FMI, à la BCAO et la Banque de l'Afrique de l'Ouest. Il a occupé pratiquement tous les strapontins de la Terre. Alors il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais les jeunes gens au Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens se sont agités. Ils ont dit on ne peut pas renvoyer des gens chez eux tant que la justice n'est pas éclairée, tant qu'on ne sait pas de quoi on les accuse. Et la justice a fait son travail. Et à ce moment-là, le chef de l'État était en mesure de prendre une mesure d'apaisement. Et je crois que le fanfaron qui est à Abidjan va comprendre maintenant qu'il doit respecter ses voisins. Vous savez, On ne choisit pas sa patrie. On ne choisit pas ses parents. De même qu'on ne choisit pas des concitoyens des pays d'à côté. C'est l'histoire, Dieu et la nature qui nous ont mis ensemble. Et à ce moment-là, il vaut mieux entretenir des relations de bon voisinage. On a vu M. Ouattara menacé, hein, la junte. On a vu M. Ouattara rigoler de la junte. Et voilà que ces jeunes gens-là ont agi avec modération, avec expérience, avec savoir-faire. Et aujourd'hui, eh bien, il a fait un geste d'apaisement. Et personnellement, je me sens vraiment heureux qu'il en ait été ainsi. Parce que la junte, au moment où elle accède au pouvoir, elle est fragile. Elles peuvent être facilement évincées. C'est déjà arrivé, on l'a vu. Où une junte vient déplacer une précédente pour prendre la place. Eh bien, les jeunes colonels du Mali ont montré qu'ils avaient le savoir-faire. Ont laissé faire la justice. Et ensuite, ils se sont dit, quoi qu'aient fait ces jeunes gens-là, quoi qu'aient fait le voisin, l'État de Côte d'Ivoire et d'autres États de la région, eh bien, il vaut mieux préserver l'avenir pour la région. Parce que des pays voisins qui ne s'entendent pas, des pays voisins qui se tirent dans les pattes, eh bien, ça ne peut pas marcher. Et c'est comme ça que c'est avec délectation que nous voyons les soldats ivoiriens descendre de l'avion pour regagner leur patrie, leur pays. Mais qu'ils sachent que eux, ils ne sont que des exécutants. Ils ont sans doute obéi à des ordres supérieurs. Mais ce qu'ils viennent de vivre aujourd'hui, eh bien qu'ils en fassent une leçon de vie. Et je me réjouis personnellement que le colonel Assimi Goïta ait agi avec cette exactitude, avec cette dextérité, avec cette expérience qu'on n'attendait pas de lui, pour que deux pays voisins, deux pays frères, deux pays qui ont le même objectif, le développement économique et le bien-être de leurs citoyens, puissent coopérer, coexister et avancer ensemble dans le développement. Vraiment, personnellement, je me réjouis et j'espère que le colonel Assimi Goïta a ainsi donné une leçon à quelques-uns, dont M. Ouattara et quelques autres qui lui ressemblent comme des gouttes d'eau. Il a donné une leçon et qu'à l'avenir, l'Afrique va désormais régler ses problèmes, non pas par l'invective, non pas par l'insulte. On a vu les Ivoiriens, je veux dire les responsables ivoiriens, traiter les responsables maliens vraiment comme si ce n'était pas des responsables d'un État voisin. Eh bien, en réponse, le colonel Assimi Goïta a agi avec sagesse et j'espère qu'entre les deux pays désormais va régner la paix et l'entente cordiale. J'espère surtout, que le bond en avant que les jeunes colonels maliens ont fait dans la construction et dans la solidification de l'État, du jeune État du Mali, eh bien, que ce ne sera pas perdu et que le Mali va devenir le flambeau de l'Afrique dans les années à venir. Oh, on explorera d'ailleurs, docteur, effectivement, ce cas de figure, puisque nous connaissons véritablement tout ce qui se trame dans ce Sahel-là. On verra si, effectivement, le chemin emprunté par les autorités de Bamako pourra permettre, effectivement, qu'il y ait une once de quiétude au sein du Sahel. Alors, docteur Douma, je vous donne la parole. Est-ce que, du début, effectivement, on a su les autorités de Bamako le dire, c'est un dossier qui aura une issue bilatérale entre deux États. Il n'y a pas lieu de pouvoir faire intervenir une quelconque organisation, fût-elle sous-régionale ou alors internationale. Est-ce que, dans le fond, finalement, quand on regarde le dénouement de cette affaire, on peut se dire le Mali a été maître du temps, j'ai envie de dire du début jusqu'à la fin de ces événements? Le Mali, à travers son président de transition, le colonel Assimi Goïta, a été effectivement maître du temps. Et depuis que les changements ont été déclenchés, n'est-ce pas, au Mali, par la prise de pouvoir par le gouvernement de transition actuel, le Mali est resté constant dans l'affirmation des actions de souveraineté qu'un pays doit poser. Le Mali est rentré dans la dynamique de la refondation de son pays pour les intérêts des peuples mariens et des peuples africains, ce que nous avons toujours exigé. Il s'est avéré que ces mercenaires arrivent nuitamment au Mali et que même les commanditaires disent qu'ils ne savent pas d'où ils viennent, qui ils sont. Et malgré cela, il y a eu suffisamment de pression sur le gouvernement malien pour qu'on les libérale. Mais le Mali est resté constant. Le Mali s'est dit, ben, il faut d'abord qu'on essaie de voir clair dans cette affaire. Quelle était la mission de ces mercenaires-là? Vous avez des gens qui se passent pour des cuisiniers, des électriciens, etc., et qui sont armés en plus. La justice malienne nous a suffisamment éclairé sur leur véritable mission. D'ailleurs, ils ont été condamnés pour crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou encore de défense intentionnellement ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou alors par la terreur. Les chefs d'accusation retenus contre ce groupe de mercenaires sont la preuve palpable de ce qui représentait comme danger public pour le Mali. Tout à fait. Mais il y a des commanditaires, monsieur Doum. Ils auraient avoué d'être là comme des mercenaires qui seraient venus pour intenter un coup d'État au Mali. S'ils avaient même avoué cela, qui les a envoyés? Qui les a mandatés? Est-ce qu'ils ont dévoilé, n'est-ce pas, leur maître et maître au pluriel? Parce que quand je parle de maître, je ne remonte pas simplement au niveau de M. Ouattara. Certainement, l'exploitation de ces derniers a permis à la justice, ou alors l'État malien, de connaître véritablement qui sont leurs maîtres. Pour vous relancer justement, docteur Douma, sur votre réflexion. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous faisons confiance au colonel Assimi Goïta et faisons confiance à la décision qu'il a prise de gracier ces mercenaires-là. Toutefois, quand je parle de confiance, je fais allusion au fait que non seulement c'est un haut commis de l'armée, c'est un grand homme du renseignement, c'est quand même, de par son profil, quelqu'un qui est suffisamment bien informé et qui ne peut pas prendre une décision simplement sur la base des pressions éventuelles sur le plan international ou même sur le plan sous-régional. Donc, le colonel Assimi Goïta, avant de prendre une décision comme celle-là, a dû s'entourer suffisamment d'un certain nombre d'informations crédibles pour pouvoir y arriver. Mais l'autre question, c'est maintenant qu'ils ont été graciés, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. What next? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays limitrophe au Mali. Est-ce que ça ne reste pas une menace? Peut-être une menace plus importante que lorsqu'ils étaient au Mali. C'est une question qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui adviendra à ces mercenaires-là? Il faut qu'on cherche à creuser davantage, parce que il y va de la sécurité du Mali, mais aussi de la sécurité de la sous-région, parce que nous savons que M. Ouattara, c'est le prolongement, n'est-ce pas, du comptoir néocolonial en Afrique. Et pour cela, il a montré à plusieurs reprises qui ne peut pas changer. Et comme un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, nous pensons que la leçon a été donnée, mais elle n'a pas été comprise. On va y aller progressivement. Alors, Bertrand Tatinda, la décision de gracier, donc, c'est 49 mercenaires. De manière officielle, du côté de Bamako, on évoque la volonté de vouloir préserver une véritable paix et une entente, on va dire, cordiale entre le Mali et surtout son voisin direct, la Côte d'Ivoire. Au nom de la paix, finalement, est-ce que cette paix va donc peut-être retrouver au travers d'un acte comme celui-là? Même pas seulement au nom de la paix, au nom aussi d'une forme de sagesse. Et je m'exprime toujours, je parle aux Africains, au nom d'une façon d'exercer et de gérer le pouvoir. Vous voyez comment les choses se sont amenées quand un pays est géré par des gens sérieux, intelligent et sérieux. Quand un pouvoir est sérieux, il se préoccupe d'abord de ses propres intérêts. Et nous avons beaucoup de pouvoir en Afrique où des gens sont au pouvoir juste comme des paravents, comme des paillassons, comme des garçons de course, mais jouent sur des intérêts extérieurs. C'est ce que moi j'ai appelé des rigolos au pouvoir. Et moi j'avais dit ici qu'il faut souhaiter tout à un pays. Tout. C'est-à-dire qu'il faut souhaiter tout le malheur à un pays. Sauf qu'un rigolo arrive à la tête du pouvoir de ce pays. J'ai dit qu'il faut tout souhaiter un pays, sauf ça. Et moi je l'avais dit ici. Je vais expliquer pourquoi je trouve cette décision sérieuse. J'avoue que je ne peux pas la comprendre sur tous ces aspects. Je ne suis pas le pouvoir au Mali. Je suis particulièrement convaincu que le président Goïta a écouté. Il a écouté. Il a réfléchi. Ils se sont concertés. Peut-être a-t-il même pris des conseils chez des gens qui sont de véritables amis du Mali. Je rappelle qu'un pays comme le Cameroun est un pays ami du Mali. Au-delà d'une forte communauté malienne au Cameroun, c'est en 1962 que le président Aïdjo décide qu'il n'y ait pas de visa entre les deux pays. Parce que son père à lui venait du Mali. Nous, on n'a pas honte de dire que le premier président du Cameroun, son père venait du Mali. Donc, avec Modibo Keïta, c'est le premier acteur politique fort que pose le président Aïdjo. 1962, de dire que quand Malien là veut venir au Cameroun, il rentre dans l'avion, il vient. Quand Camerounais veut aller au Mali, il rentre dans l'avion, il va. Donc nous sommes de vieux, un vieux pays ami du Mali. Deuxième des choses, ça démontre que quand on veut en Afrique, on peut. Mais ce problème a permis de mettre en lumière un certain nombre de choses. La première des choses, ce problème a permis de mettre à nu ce qu'on appelle les missions onusiennes en Afrique et de poser le véritable débat des missions onusiennes en Afrique. Personne ne l'avait fait de cette façon. Et quand vous étudiez le problème malien, chaque fois que vous étudiez le problème malien, il faut le mettre en perspective avec la crise ivoirienne. Et moi, j'ai toujours dit aux Africains d'étudier la crise ivoirienne dans tous ses aspects. Vous allez comprendre tous les problèmes d'ordre politique et géopolitique qui se posent en Afrique. Je dis la crise ivoirienne, qui commence avec l'arrivée de M. Ouattara comme premier ministre en Côte d'Ivoire, qui s'enchaîne avec le départ de M. Bédié du pouvoir, l'arrivée du président Gbagbo et la rébellion. Quand vous avez étudié sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan cette crise-là, vous comprenez toutes les problématiques africaines. Et le président Goïta, dans la gestion de cette affaire, mais place au cœur. Or, que constatons-nous? Nous constatons que nous avons des missions onusiennes en Afrique qui engagent un certain nombre d'hommes, de moyens militaires et de moyens financiers. Mais l'insécurité va de façon croissante. RDC, 1 milliard de dollars chaque année, 20 000 hommes, y compris personnel militaire, fonctionnaires. Regardez la situation à l'est de la RDC. Ça a changé. Cette mission onusienne arrive à partir des dispositions des accords de Lusaka qui permet à l'ONU d'entrer dans le problème. L'ONU arrive, mute le nom de ses missions, mais dans le même objectif, et on en arrive à la MINUSCO. 20 000 hommes, 1 milliard de dollars. Personne n'a jamais audité les fonds. sorti. Personne n'a jamais audité, comment je veux dire, la présence militaire. Regardez la situation. Mission onusienne au Soudan. Ça empêchait la sécession, de partitionner ce pays à deux. Même nos amis chinois n'ont pas joué un rôle très positif au Soudan. Faut le dire à notre ami, à notre ami Xi Jinping. Que patria Xi Jinping, oui, on s'entend, on va même toujours s'entendre, mais au Soudan là, c'était pas bien. Mission onusienne, présence militaire chinoise, ça a évité la partition. Mission onusienne en Somalie. Mission onusienne en Somalie, il n'y a plus d'État en Somalie. C'est un monsieur qui est dans la présidence, il dit, je suis chef d'État. Les Chebabs sont à l'extérieur, il dit, tu es donc chef d'État, sors, on te voit. Il dit, je suis chef d'État. Les Chebabs dit, ose encore parler. Il est dans la présidence, hein. Bon, on peut considérer qu'il est chef d'État parce qu'il est quand même dans la présidence. Les Chebabs sont dans la cour de la présidence. Il dit, nous aussi, nous sommes dans la présidence, nous sommes aussi les chefs d'État. À la Somalie. Mission onusienne en Somalie. Mission onusienne au Mali. Avant l'arrivée de M. Goïta, les IBK sont passés à la présidence, mais disons, regardez la situation du Mali. Mission onusienne en Libye. Il n'y a plus d'État en Libye. Et allez étudier donc la présence de la mission onusienne dans la crise ivoirienne. Force impartiale se devenue soutien logistique de la rébellion. Ravitaillement de la rébellion. Mobilisation de la rébellion. Au point de chercher un nouvel allié. Le 43e Birma de France, qui a réussi à aller prendre au Conseil de sécurité un statut de mission onusienne, dont il y avait les rebelles de M. Soro, la mission onusienne, le 43e Birma français, contre un pouvoir légitime et légal. Voilà ce que le président Goïta a d'abord mis en exergue sur la question du mercenariat ivoirien. Première des choses. Deuxième des choses, que le président Goïta a mis en exergue sur cette affaire, c'est de démontrer un lien clair, direct, établi, irréfutable entre la France et les mouvements djihadistes qui ensanglantent le Niger. Au point de dire, je ne me contente pas de le dire. Conseil de sécurité, organiser un débat mondial, télévisé, devant la terre entière. On débat, on va amener arguments. Vous vous imaginez un État qui le fait, s'il n'a pas des éléments? Imaginez-vous que le Conseil de sécurité, d'ailleurs, ça se fera tôt ou tard, et qu'ils arrivent, ils n'ont pas d'arguments. Vous imaginez la crédibilité qu'ils perdent? C'est presque la survie, même du régime malien. De dire, mais le Mali a tapé des pieds et des mains. Allez même voir des puissants du Conseil de sécurité, les Chinois et les Russes. Et dire que appuyez cette histoire pour qu'il y ait un véritable débat. Un véritable débat. Nous allons montrer, images satellitaires, éléments irréfutables, le lien direct. Aucun pays africain ne l'avait fait dans le passé. Aucun pays africain. Moi, je l'ai dit sur ce plateau, je ne savais pas qu'un pays africain pouvait traîner la France devant le Conseil de sécurité. Voilà. Deuxième leçon à retenir de la gestion de cette histoire de mercenaires par le président Goïta. Mettre en exergue. Plus aucun Africain, parce que nous parlons aux Africains, ce n'est pas le débat. Plus aucun Africain ne peut rester sur les réseaux sociaux insultés et dire que vous divaguez. Il est établi aujourd'hui clairement un lien entre la France, l'OTAN, ses amis et la question du djihadisme. La troisième issue que ça a mis en cause, de sauver les intérêts binationaux des deux pays. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est 450 km de frontières communes. On estime à, en gros, 1 million de Maliens en Côte d'Ivoire. Et 500 à 700 000 Ivoiriens au Mali. C'est des pays qui ne peuvent et qui ne doivent pas se faire la guerre. Quand on est sérieux et responsable, on y pense. Donc, au-delà de la montée en tension, du caractère criminel. Je dis, il faut étudier le problème de la crise ivoirienne. Vous comprenez comment le pouvoir qui est là à Abidjan aujourd'hui arrive. Il arrive à partir avec Oufouet Boigny en 93, déjà il arrive quand il est premier ministre. Arrive. Mais le président Goïta a vu aussi ça de dire, il ne peut pas avoir de guerre entre nos deux pays. Il faut mettre certains éléments. La volonté soit conjuguée aussi d'un cadre. Non, moi je parle par rapport Ah, je me situe ma réflexion par rapport à M. Goïta. D'accord. La volonté de l'autre côté n'est qu'un paillasson. J'ai commencé mon propos en disant ici qu'il y a des gens qui sont à la tête de pouvoir, ils ne sont que des paillassons. D'accord. Dans ces 49 mercenaires-là, ben, y a en grande partie que des Français. Il y a en grande partie que des Français. Les quelques petits malheureux soldats ivoiriens qui sont là-dedans, ce sont des lampistes. Qu'est-ce qu'ils valent? D'ailleurs, j'ai peur pour leur vie. J'ai peur pour leur vie. Parce que tôt ou tard, ils vont quand même parler. Que vraiment, on va leur demander que, mais vous étiez embarqué dans un messe, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils risquent de parler. Donc, moi, j'ai même envie de dire que il aurait fallu que cet accord de libération permettât à ces militaires de pouvoir gagner l'asile ailleurs. De pouvoir gagner l'asile ailleurs. Donc, pour vous dire que le pouvoir d'Abidjan. Sauf que ça serait une bonne publicité pour la Côte d'Ivoire. Ne peut en fait que gesticuler par rapport aux ordres du maître. Mais que vaut le maître? Que vaut la France aujourd'hui? Que vaut la France? Qu'est-ce que vaut la France? Donc, moi, je parle par rapport au pouvoir malien d'expliquer que. C'est-à-dire qu'un homme intelligent, au plus fort d'une crise, comprend et fait que non, non. On peut gérer cette affaire avec beaucoup plus de doigté. Enfin. Le quatrième. Le quatrième élément que ça a pu mettre en exergue. Le quatrième élément que ça a pu épanouir. Indexer la CEDEAO, le Mali, la Côte d'Ivoire, tous ces gangs et la France, de se rendre compte que voilà des gens, en fait, derrière cette aventure. Moi, je peux saluer le président togolais, mais lui aussi, sur une affaire comme celle-ci, on salue. Il n'a jamais été véritablement courageux de parler à haute voix et de s'extraire de la gestion politique de la CEDEAO. Mais en même temps, il a toujours marqué sa différence. Et moi, je peux dire qu'effectivement, ce monsieur a dû beaucoup aider à infléchir la décision des responsables maliens. Il a dû aller dans le sens de ce que j'explique. Une communauté d'abord de peuples qui ne se limite pas qu'au Mali. Les Dogons, vous les avez au Mali, vous les avez en Côte d'Ivoire, vous les avez au Togo, vous les avez en Guinée. Raison pour laquelle le président Domboya rapidement s'est démarqué de cette affaire. Vous savez ce que nous pensons de lui? Nous avons dit, c'est bien le président Domboya. Lui l'a marqué son opposition à une politique d'embargo et de détruire le Mali, de destruction du Mali. Lui l'a marqué totalement son opposition et dit que nous sommes un même peuple. Et d'ailleurs, je vais rendre visite à mon frère. Il est arrivé à Bamako, il a été accueilli à Bamako, véritablement bien accueilli à Bamako, et ils ont conforté en quelque sorte cette alliance. Donc voilà comment la gestion par une affaire comme celle du président Goïta, la libération n'est pas importante. À partir du moment où nous, peuple africain, nous savons aujourd'hui que combattre le djihadisme dans le Sahel, c'est combattre l'OTAN. Ah ben, il faut donc s'en donner les moyens. Il faut même d'abord se donner même les moyens spirituels pour ceux qui croient en Dieu. Se donner les moyens spirituels, se donner une véritable volonté et négocier un bon partenariat stratégique. Et d'expliquer à d'autres qui ne veulent pas s'inscrire dans cette mouvance-là, que mais il ne s'agissait pas de détruire le Mali, il s'agissait de détruire toute la CEDEAO. Et la France en était même déjà partie à un sous-découpage de la CEDEAO qu'elle devait contrôler. Le G5 Sahel. 7 millions de kilomètres carrés. Dont la France en était à du fait CEDEAO. Elle dit que ce gibier-ci, moi, la France, vraiment, je suis trop maigre pour ça. Donc moi, je veux rapidement faire un sous-découpage dans cette affaire et arracher une idée qui n'était pas mauvaise. Une idée qui n'était pas dans le fond mauvaise, de se mettre ensemble pour voir comment on peut fédérer nos forces pour lutter contre le djihadisme. Récupérer cette affaire et en regardant les intérêts stratégiques du sol. Donc voilà ce que moi je retiens de la gestion de cette affaire qui a véritablement mis en exergue et qui permet aujourd'hui de dire que ouais, les lampistes, les condamnations ont été édictées, donc on ne peut pas dire qu'ils étaient dans une mission onusienne. Ils étaient dans une mission de mercenariat. Ça doit donc appeler tous ceux qui sont et qui sur leur sol ont des missions onusiennes de questionner les missions onusiennes. Je chute. En juin, on va discuter au Conseil de sécurité la prolongation ou non de la présence de la MINUSMA. Nous sommes en janvier, dans 5 mois. ça nous permet aussi d'avoir suffisamment d'argumentaires pour aller au conseil de sécurité à côté de nos frères maliens et de dire à la MINUSMA Babel. Qui pourra comprendre encore une prolongation de la MINUSMA au Mali? Qui pourra nous comprendre? Est-ce que c'est juste après ça pour... Je dis, qui pourra comprendre une prolongation de la MINUSMA au Mali? Mais sauf que, sachant que dans la... Ils pourront, puisqu'on a d'ailleurs requalifié, on a vu M. Antonio Guterres requalifier finalement la présence de ces mercenaires qui au départ étaient des mercenaires, finalement sont devenus des soldats ivoiriens. Mais c'est, donc, un bandit. Vous parlez d'un bandit. Vous avez prononcé qui? Guterres? C'est un bandit. Il vous impressionne parce qu'il est secrétaire général de l'ONU? C'est comme celui de l'OMS. C'était quoi? C'est un bandit. Vous êtes sérieux, monsieur Ndoum? Vous êtes sérieux? Moi, je vous connais même en privé. Je connais votre dextérité et votre tu. Mais le président de l'OMS, c'est qui? C'est un bandit. Qui est monsieur Guterres? C'est un bandit. Qui était monsieur Choi? Un bandit. Qui était monsieur Ban Ki-moon? Un bandit. Mais quand je dis d'étudier la crise ivoirienne, qui a muté en quelque sorte les forces impartiales en force d'appui à la rébellion? Qui soi-disant a certifié les résultats? On certifie les résultats d'un pays souverain alors que ce pays est un conseil constitutionnel. Le seul pays au monde où le conseil constitutionnel a prononcé deux décisions contradictoires sur mon problème. C'est sérieux? Le seul pays au monde, c'est chez Africain. Le conseil constitutionnel a dit que X a gagné l'élection. Y a gagné l'élection. C'est sérieux? Qui était à la manœuvre? Vous parlez d'un bandit. Monsieur Guterres, c'est qui? C'est monsieur Guterres le patron. C'est monsieur Guterres qui amène cette opération. D'ailleurs, on peut se poser la question de quoi je me mêle. Il aurait justement demandé même au Mali de mener une véritable enquête pour se rendre compte que ces missions onusiennes sont dévoyées. S'il était sérieux, il aurait dit, mais président Goïta, menez-moi une véritable enquête et faites-moi remonter un certain nombre d'informations. Je rappelle qu'en ce moment, le Mali est toujours dans une bataille diplomatique pour qu'il y ait le débat face à face, français contre malien, au sujet du soutien français des groupes djihadistes. Où est donc M. Guterres? Pour user de son influence et dit que mettons ce débat sur la table. C'est un bandit. Vous demandez à Afrique Média de venir commenter. C'est un bandit, c'est le chef des mercenaires. Et c'est pour ça que nous questionnons. Quand on va questionner la question des BRICS sur la question financière, des BRICS qui décident de mettre le Fonds monétaire et la Banque mondiale, mais de fait, ils mettent à la poubelle l'ONU. Parce que comment vous pouvez avoir une nouvelle vision financière du monde et ne pas avoir pour vous une nouvelle vision, comment je vais dire, que de droit international qui va régir ce nouveau monde que vous voulez? Comment vous voulez ne pas le voir? Donc, de fait, l'ONU ne va plus exister. Et nous le disons depuis. Donc, parlez-moi pas de ce voyou qu'on appelle Guterres. On l'appelle Guterres. Le président Banda le dit. Dans un monde sérieux, vous n'arrêtez pas M. Guterres? Puisque ces soldats étaient expliqués qu'ils venaient sous le compte de l'ONU. Ils viennent sous le compte de l'ONU. Or, M. Guterres n'a jamais démenti que tout, bien que ses porte-paroles ont dit que oui, vraiment, nous, l'ONU, on ne connaît pas cette histoire. Mais M. Guterres n'a pas fait cause d'arriver au Mali et de demander même des éclaircissements en quelque sorte au président malien. Il dit que mais c'est très grave ce que vous dites. Ça décrédibilise totalement l'ONU. J'ai dit ça remet en cause les présences onusiennes en Afrique. Donc, si M. Tshisekedi ne veut pas faire un véritable audit et ne veut pas questionner la présence de la MINUSCO, alors que le président Kabila expliquait que si je gagne l'élection, ils ne seront plus haut. Tout à fait. En RDC. Et voilà la situation à l'est de son pays. Il a 20 000 hommes armés, 1 milliard de dollars. Mais ils sont là pour stabiliser la paix. C'est une mission de stabilisation. Il n'y a pas stabilisation. Monsieur Tshisekedi, verser ses larmes de crocodile devant les gens en disant le M23. C'est, voilà un rigolo au pouvoir. Quand c'est ça que je des rigolos au pouvoir. Des rigolos au pouvoir. D'accord. Donc voilà en fait ce que ça amène pour moi, que j'ai retenu de cette démarche bien montée par les autorités de Bamako, bien qui permettent de libérer ces petits voyous. Je les appelle des petits voyous, de rentrer, de libérer les petits voyous, mais avec des condamnations. C'est-à-dire que des condamnations, nous savons qui ils sont, nous avons leur identité, nous avons tout, mais voilà les véritables questions qu'il faut poser. D'accord. Président Banakani, la lecture de Bertrand Tatinda nous permet bien entendu de pouvoir apprécier la dynamique qui a été mise en place depuis donc le 10 juillet dernier, un fait qui avec sa lecture qui nous a permis donc d'éventrer un certain nombre de réalités liées notamment à la présence de ces forces onusiennes sur le continent africain, singulièrement pour le cas du Mali, de comprendre davantage ce complot international réuni, orchestré depuis plusieurs temps désormais contre ce pays. Mais après, c'est vrai, nous n'avons pas le contenu de ce mémorandum d'entente qui a été signé entre ces deux pays. Est-ce que vous êtes davantage de votre posture satisfait de ce qui a été rendu de cette grâce présidentielle, quand on sait quand même que des personnes qui ont essayé de s'impliquer dans ce dossier, Madame Pulcheri Ballet, on ne sait pas si elle fait finalement partie de ce, je vais dire, d'un compromis quelconque, parce qu'impliquée elle aussi dans ce dossier d'une manière ou d'une autre. Permettez-moi de marquer ma satisfaction devant les plusieurs interventions qui m'ont précédé. J'aime le ton qui a été utilisé par Bertrand Tacita. Nous, on assume ça. Nous allons déshabiller les autorités internationales qui se sont emparées d'une fausse respectabilité pour perpétrer des crimes. Leur prestige international et leur position internationale ne nous impressionnent pas. On va les déshabiller. Chaque fois qu'une prétendue autorité internationale va se comporter comme un voyou, nous allons le traiter comme tel. Ne sont-ils pas les champions pour créer les instances pour juger les présidents africains? Qu'elle qualifie de voyous, de bandits, et on les ridiculise comme ils veulent. Mais c'est qui Gutiérrez? C'est qui ce truc-là? C'est qui Gutiérrez? C'est qui tous ces gens qui nous ont donné le mandat de faire ce qu'ils font là? Ils l'ont pris par la guerre, par la violence, par la sauvagerie. Ça fait des millénaires que ce continent est méprisé. Ça, c'est terminé ça. Toute autorité internationale, tout État, ce que vous appelez puissance, qui ne peut pas comprendre que l'Afrique, on l'a connue, elle est terminée, nous trouvera sur son chemin. Nous aurons des mots appropriés pour les traiter. C'est pour ça que nous sommes très à l'aise pour appeler ce monsieur voyou, c'est ce qu'il est. Voilà. Et d'ailleurs, va-t-on vous rappeler ce qui s'est passé dans ce que vous appelez enceinte internationale onusienne, lorsque le premier ministre par intérim du Mali a fait des leçons à ce monsieur en direct devant le monde entier, lui rappelant qu'elle avait son rang, lui rappelant son rang, et lui faisant les coups de subsidiarité juridique. Voilà, c'était en direct. On le devait croire à ce niveau-là. Nous, on assume ça. Nous sommes en guerre. Et nos armes, n'est-ce pas, bien que ce soit des armes non violentes, ont la puissance d'une bombe atomique. C'est la parole. Un genre de parole dont la compréhension est réservée aux initiés. Mais non, d'utiliser ça, ça marche. Donc, des gens comme ça. Le président américain ne m'impressionne pas. Il n'y a pas des histoires que première puissance mondiale, des criminels comme ça, ça ne nous impressionne pas. Les histoires de l'Union Européenne avec sa présidente là, cette malade mentale, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous impressionne pas. Tous ces gens-là, je ne sais pas de qui ils ont reçu le mandat pour bâtir un monde comme ça qui a fait de terreur, de crimes, de mensonges et d'escroquerie, de vol. C'est ça, nous. Et nous avançons. Nous avançons à grands pas et ce qui se passe, le déroulement de cette affaire conforte nos avancées. Premièrement, c'est la victoire. C'est la victoire de notre camp. Nous avons un camp. On a dû le consolider. Il n'y a pas, les Africains ne sont pas unis. Pas chercher à réduire tous les Africains là. Il y en a, le monde va s'arrêter. Ils seront Africains seulement de peau. Il ne faut pas rêver. Mais notre camp se consolide et avance. Dans notre stratégie panafricaniste, il y a quelques pays moteurs qui sont visibles et d'autres pays qui ne sont pas visibles, mais dont nous connaissons qui sont dans notre camp à cause de leur situation particulière. Nous gérons des contraintes avec ces pays-là. Donc le président Assimi Gota est un pont. Est un point avancé du panafricanisme du 21e siècle qui avance. Et quand il remporte une victoire comme ça, c'est notre victoire. La révolution malienne, c'est notre fille. Il faut rappeler ça, c'est notre fille. Du haut de sa fonction, nous respectons Assimi Gota. C'est un fils de notre révolution. Ses combats sont les nôtres. Ses victoires sont les nôtres. Ça, c'est la victoire du panafricanisme. De me demander en quoi c'est une victoire, bon, il faut encore expliquer les évidences. J'espère que quand il allait chercher le monde entier pour venir détruire le Mali, il allait à l'ONU, qu'il est fini à l'ONU, il allait voir Dieu dans le ciel, il est descendu, il allait partout dans le monde entier, on a menacé, la CDAO, organisation voyou, a donné les ultimatums, tout le monde va te bombarder, on va faire ces machins et comme ça. Le grand président Assimi Gota est resté calme et silencieux. Vous l'avez vu parler un jour, il n'a rien dit. Le petit vantard d'Abidjan, il s'est étalé partout, c'est un petit, il prend les grands airs. Tout ça pour revenir à la case de départ. Tout ça pour revenir là où il devait commencer. La négociation. Là où le président du Togo lui a dit, mon frère, commence par ici. Laisse tout ça. Commence par ici, on règle ça en une semaine. Oh, le grand Ouattara, le plus bien économique du ciel et de la terre, le gars le plus intelligent que le continent africain a connu depuis qu'on existe, le plus brillant africain depuis que l'Afrique existe comme pays. C'est-à-dire que le plus brillant sujet qu'on ait jamais eu dans notre histoire. Et s'il peut se rabaisser à parler à un petit colonel. Un petit colonel en plus putschiste. Lui n'est pas un putschiste. Il a été installé par les dieux du monde de la terre. Et lui, il a été installé par l'ONU, dont il a une légitimité que personne n'a encore eue. Le vantard. La vantardise allait même plus loin. Dans cet dieu qui a chuté, comment vous l'appelez, avec son comparse. Comparse. Vous l'appelez qui? C'est quoi ce truc-là? Ancien Premier ministre. Ah, vous avez bien dit ancien. C'est comme ça les accidents qui nous arrivent. Vous amassez un truc comme ça, les premiers de votre pays. Vous demandez où ça vient. Son compas allait s'asseoir pour dire que vraiment les jours du régime malien sont comptés. Ouais. Que la Russie va lui donner les armes du 18e siècle. Que la Russie n'a rien. C'est une puissance de 8e rang mondial. Que dans le produit intérieur du monde, la Russie ne comptait rien. Et comme c'était deux grands économistes qui se sont rencontrés, il y a eu une explosion de quotient d'intelligence pour expliquer l'économie qu'on n'a pas encore compris. Pour se rendre compte à la fin qu'il y a quoi. Ils ne connaissent rien à l'économie. Au FMI, on fait de l'économie. Pour que celui que Bédier appelait en son temps petit commis du FMI vienne se vanter de ce titre que l'a eu le FMI. C'est quoi le FMI? C'est un repère de brigands. Ces jours sont comptés. Alors, voilà la Russie a dit. Vous rappelez le jour, non? Est-ce qu'il y avait encore deux jours pour le régime malien? Et que la Russie pouvait encore faire deux jours? Vous voyez que sur le terrain, dans les faits, vous avez affaire à des tintins, ils connaissent quoi l'économie, ce type. Ils connaissent quoi l'économie. Alors, ils construisent les ponts, ils construisent les routes. Et la Côte d'Ivoire, elle déjà a les ponts pour ça, va établir le pont entre le ciel et la terre. On construit des infrastructures extraordinaires, ça me fait rire. En économie, là, maintenant on est obligé de parler de ces choses-là maintenant. En économie, les ponts, tout ça est construit. On appelle ça les facteurs de production. L'important, c'est de contrôler la production. Les ponts, ça appartient à qui? Ça appartient aux Ivoiriens? Qu'est-ce que ça appartient aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Un mercenaire arrive, il confisque un pays, il vend ça. Comme c'est pas son pays, il vend ça. Il dit qu'il construit les ponts et les routes. Les colons construisaient les ponts et les routes. D'ailleurs, il demande de payer ça jusqu'aujourd'hui. Avec la main de vœux locale non payée. Hein? Non payée. Les corvées. Au Cameroun, on appelait ça un jogmassi. Les gens veulent vous vanter que moi, ils construisent les ponts. C'est-à-dire que quoi, Fabrice Dom? C'est-à-dire qu'on veut nous amener à accepter l'inacceptable. Que le régime de Ouattara, c'est un régime de valeur. Et qu'on peut soutenir. Jamais de la vie, nous, on ne va faillir à ça. Jamais. Peut-être dans la vie privée, c'est un monsieur bien. Peut-être j'ai bien son foyer. Peut-être il aime ses enfants. C'est pas ça qu'il s'agit. Mais ce que Ouattara a incarné en termes de pouvoir et de politique, jamais, jamais, nous allons accepter ça ici. C'est de l'abjection absolue. Et ça vient encore de se manifester. Qu'il ne faut pas compter sur ce monsieur, sur les sujets sérieux de ce continent. C'est quoi les affaires des soldats? Vous n'appelez pas soldats. Ce sont des mercenaires. Ce sont des légionnaires français pour la plupart. On a maquillé leur identité, monsieur. Donc tout ça, c'est que monsieur Ouattara, tout ce qu'il fait là, il est en train de vouloir sauver le petit garçon de l'Elysée. Il fallait le blanchir à tout prix. Il fallait sauver l'ONU. Organisation criminelle dont les crimes ininterrompus sur le continent posent un problème sérieux sur la capacité de l'Afrique en particulier et du monde à poser les actes de justice et à revendiquer la justice. L'ONU doit être jugée dans un monde sérieux, juge l'ONU pour les crimes ininterrompus qu'elle met en œuvre à l'Afrique sur ce continent. Alors venez-moi demander de respecter l'ONU, on s'en fout de ça. Voilà, il n'y a pas de respect à côté à l'ONU. Au regard de ses actes, on vous a cité, non? La litanie de ses crimes, c'est qu'elle fait partout où elle passe. Partout où elle passe. Donc ce dossier, une fois le plus, est emblématique de l'état des relations internationales, où les crimes sont déguisés sur le magistère de la respectabilité diplomatique. Vous attrapez un voleur de viande, ça met dans la marmite. On dit que non. Secrétaire général de l'ONU, c'est pas un voleur de viande. Monsieur, c'est un voleur de viande. On l'a pris en flagrant délit. C'est un voleur de viande. Il vole la viande. On a trouvé le sous-préfet d'Abidjan en train de vouloir renverser un État pour le compte de Paris. On dit non, vraiment. Les relations des États, il faut le respecter. Mais ça, c'est le brigandage, c'est le mercenariat de bas niveau. On t'a attrapé la main dans le sac. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voulez maquiller quoi? Ils se sont agités. Fabrice Doumbé, le temps a changé. C'est fini. Le président malien, serein et calme, déterminé, les a dit, vous perdez le temps. Les temps ont changé, ça passera par ici. Eh bien, l'ONU, c'est quoi? Tu parles de quoi? Vous allez vous plier à nos exigences. Aucune intimidation ne passera. Le président malien vient encore de nous faire un don de dignité. On est content. L'Afrique digne est content. L'Afrique de la fierté est content. Même ceux qui sont silencieux à cause de leur fonction dans la chambre sont contents de voir que voilà un jeune qui nous fait de la dignité. C'est là qu'il s'agit. C'est une victoire. Hein? Victoire. Victoire qui est prophétique des lendemains en matière d'invention d'une diplomatie qui va se baser sur le respect des intérêts de l'Afrique en général et de la dignité de leur peuple en particulier. Le ton qu'on emploie ici, c'est pour réinventer la diplomatie internationale. Ce qu'on fait là, ce n'est pas la diplomatie. C'est l'hypocrisie pour tuer les gens, pour tuer les peuples, après les hommes. C'est pas la diplomatie. La vraie diplomatie arrive. Vous savez pourquoi les bandits ne peuvent pas faire la vraie démocratie, la vraie diplomatie? Ils se cachent derrière des choses comme ça, des carcans. Avec des titres, ils tirent, ils volent, on les couvre. Parce qu'ils sont secrétaires généraux, des choses comme ça. Ils sont ceci. Parce que les relations internationales sont encore à l'état primaire, à l'état sauvage. C'est la jungle, c'est la sauvagerie. L'heure vient où il y aura une vraie diplomatie. Une vraie diplomatie, Fabrizio, c'est le respect mutuel. Tu vois ton frère, un état qui est en face de toi, tu le respectes. Parce que tu estimes que bon, que tu sois grand ou petit, tu es un état, on se respecte. Mais les relations égalitaires ne sont pas à la portée de n'importe qui. Il faut avoir de l'épaisseur. Il faut avoir de la consistance spirituelle, la consistance géopolitique, la consistance politique, la consistance historique pour gérer l'égalité entre les États. Cette diplomatie arrive et c'est ce que le Mali est en train d'inaugurer là, en imposant ce rapport de force. Deuxième chose, bon, c'est que, ok, vous avez passé le temps à dire c'est la junte, ils ne sont pas légitimes. Vous dites alors avec qui? Vous parlez avec la junte? Parce que le régime de Côte d'Ivoire est le plus démocratique du ciel et de la terre. Voilà. Il est reconnu par la communauté internationale intergalactique. Bon, vous parlez alors avec qui? Vous parlez avec qui? Donc, malgré vous, vous venez de reconnaître que ce régime-là est légitime. C'est le plus une junte. Vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot junte. Vous ne pouvez même plus le faire. Parce que vous avez été obligé de vous plier aux exigences de la junte. Vous avez reconnu que la junte, ce n'est pas une junte. Ce n'est pas une junte. C'est ce que ça veut dire. Donc, le pouvoir de Bamako a gagné en légitimité sous-régionale et internationale. Il ne la manquait pas. Non, parce que c'est terminé ça. Mais ils ont été obligés. Ils ont avalé leur langue. Ils ont craché en l'air. Se retomber sur leur nez. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, il y a une opinion, elle n'est pas fausse. Hein. Il faut la prendre au sérieux. Qui dit que le président Foya de Mars, c'est l'autre fait que la France avait au feu. Au cas où M. Ouattara a échoué. Nous le savons. Mais peu importe, ça revient au même. Ça revient au même, ouais. Nous sommes là pour dévoiler les secrets de Paris. Tu te caches, nous on va te traquer, on te sort. Cache-toi comme tu veux. Tu te caches derrière le président fort pour négocier. Tu as plusieurs forts au feu. Parce que tu sais bien que les mercenaires là sont des légionnaires. On connaît tout ça. Mais nous on le sait, on le dit à Mondo, on sait ça. Ça n'enlève rien à l'action du président Foré Yadema, que nous saluons. Il faut saluer. Pour l'africaniste que nous sommes appelés à diriger. Et nous connaissons les contraintes en matière de gestion d'un État. On n'est pas là pour savoir si Foré Yadema est notre ami ou pas. Ce n'est pas ça qu'il s'agit dans ce débat. On ne va pas savoir s'il est un panafricaniste. Ce n'est pas de ça qu'il y a l'ordre du jour. Ce qu'il a fait est bon. Oui. Et moi, je salue l'action du président Faure. Je salue ce président Faure. Donc, ça, c'est la deuxième victoire. La troisième victoire, mais qui est une leçon. Mon cher Ndoum, c'est que dans la sous-région, là, qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, c'est fini. L'unipolarité géopolitique qui a régné depuis des siècles dans cette région, qui était la chef gardée de l'Occident, c'est terminé. Voilà. Donc je dis, la France, c'était pour l'Occident. C'est terminé. Et les gens comme Ouattara, valets de l'Occident, doivent le comprendre. Et ils l'ont compris. Ça s'est imposé à eux là maintenant. Donc ils vont apprendre à vivre avec la multipolarité sous-régionale. C'est ça qui est nouveau. Il y a Cyril Tangna qui nous écrit, il dit qu'on a oublié de rappeler que le Mali nous a fait savoir aux Africains francophones que les ambassadeurs français et occidentaux en général pouvaient rentrer chez eux. Ceux voilà. qui avaient toujours moins ceux aux égards de langage en tout cas. Mais vous savez, une autre leçon. Il est normal que la sous-région Afrique de l'Ouest, entre guillemets, rattrape un retard que d'aucuns n'ont pas vu parce qu'on a maquillé ça derrière la fausse intégration sous-régionale de la CEDEAO. Moi, ça fait 15 ans que je dis aux gens ici que votre intégration là, c'est du people. On m'a insulté, maintenant, on parle plus de ça, c'est très clos. Donc, que les gens rattrapent les batailles qu'ils n'ont pas menées hier, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez? Dans une région qui a été créée politiquement par des gens comme Blaise Ndiaye, le père de la politique sénégalaise, Blaise Ndiaye, les Senghor, les Oufouet Boigny, après c'est Ouattara. Bon, tout ça a créé, n'est-ce pas, une situation où des faux miracles ont prospéré. On a dit que la région l'a vraiment intégrée. On peut intégrer une plantation d'esclaves. On a fait ça. Mais ça vous rattrape, non? Et c'est que nous saluons ça. Il faut chasser les ambassadeurs de France qui même que tu laisses pas aux dirigeants. C'est une bonne chose. Nous, on est placé au niveau, c'est bien. Ça va continuer. Et comme ça, ils vont se fatiguer de dire que c'est Moscou qui souffle ça aux oreilles des dirigeants. Jusqu'à quand la France va continuer. On chasse les ambassadeurs partout au jour le jour. Tu continues à dire que non, c'est un complot de Moscou. Vous êtes dépassé, c'est tout. Votre diplomatie est dépassée pour gérer les évolutions qu'il y a sur le continent. Vous envoyez des sauvageons. Gérer les représentants diplomatiques. Vous envoyez des généraux, un général, pour faire la diplomatie. Mais après, demain, quand ça va se tourner contre vous, vous allez commencer à crier. Donc, je suis en train de dire que désormais, dans la sous-région, l'heure est à la multipolarité géopolitique et géodiplomatique. Ceux qui ne sauront pas gérer ça, tant pis pour eux, c'est fini. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Et ça s'impose à M. Ouattara, qui continue à croire que la politique consiste à satisfaire aux injonctions de Paris et à faire plaisir. Un gamin à l'Elysée qui n'a aucun projet sérieux, non seulement pour son pays qu'on appelle la France, mais qui ne peut rien concevoir de bon pour le continent africain. Enfin, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne. Oui, Fabrice, on peut parler entre nous. On peut parler entre nous. On peut s'asseoir et évaluer les contraintes internationales, manœuvrer, gérer entre nous et trouver des solutions acceptables. À partir du moment où vous savez que M. Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un chargé de mission, c'est un mercenaire, vous épargnez le peuple. Vous faites tout pour que le peuple ne paye pas le prix des sous-préfets qui sont prêts à tout pour leurs intérêts, les intérêts. Parce qu'ils passent sur un mois, ils passent trois semaines en France, ils passent une semaine à Côte d'Ivoire dans son pays. Donc on connaît quel est son vrai pays. Il peut brûler à suivre les gens et pas la vie, il va rester dans son vrai pays. Donc à partir du moment où vous savez ça, il est important que des plénipotentiaires, que des têtes couronnées se ressaisissent et disent que non, asseyons-nous, parlons. Et le président Faure Gnadema a démontré que lorsqu'il y a de la volonté, les Africains peuvent parler entre eux et concilier les intérêts qui sont apparemment inconciliables. Nous saluons cette prouesse diplomatique, nous saluons ça. Et c'est l'Afrique qui gagne, mon cher Ndoum. Le panafricanisme n'a pas pour mission de venir accentuer, de créer des conflits entre les différents sphères du continent qui plus ou moins accusent un retard à tel niveau pour les différents rythmes d'évolution que le continent connaît et qui, mal assumés, peuvent créer des guerres qui sont entretenues par l'Occident. Chaque fois que les pays africains peuvent s'asseoir avec des dirigeants qui savent manager ces différents rythmes, n'est-ce pas, d'évolution historique, on est content. C'est ça aussi le panafricanisme qui permet de gérer des contradictions dans le bon sens. Et une fois de plus, je le répète, je salue l'action du président Faure. Je vais chuter. Oui, je chute. La grosse préoccupation, c'est peut-être là où je voudrais que l'on puisse arriver. Oui, on parle de victoire, mais concrètement, que gagne l'État malien, vu qu'au départ, on parlait d'un plus ou moins d'un échange entre certains délinquants, passés par le mot malien, qui se retrouvent du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'a-t-on fait finalement de ce dossier? Bon, je ne sais pas. C'est la diplomatie, c'est la diplomatie. Peut-être on saura. Vous avez souligné le cas. Pichéry Balin, nous espérons que ça a été intégré dans cette négociation. Mais en tout cas, vous pouvez parler, le président Ouattara, il est coincé. Il va expliquer pourquoi il continue à la garder en prison sur ce dossier. Il va continuer parce que les fonds ont donné raison. Madame Pucheri Ba, donc voilà, libéré. Mais tout à l'heure, je viens de vous dire que le Mali a gagné en respectabilité, en légitimité, en tout ce que vous imaginez. Mais sur le plan même économique, le Mali va gagner si désormais les relations seront bonnes. Parce que moi, je ne suis pas un rêveur. Monsieur Ouattara ne changera jamais. Il ne faut pas rêver. Vous comprenez? Mais au cas où, en l'état, le Mali gagne parce que désormais, il a fait comprendre, n'est-ce pas, à ses voisins qu'il a les moyens. Qu'il a les moyens de sa politique en la main, il gagne à ce niveau. Deuxièmement, des perspectives sont ouvertes pour que les potentialités économiques, n'est-ce pas, qui sont le lot des relations entre les deux pays, ces potentialités deviennent réelles. Vous savez qu'il y a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire. Vous savez que tous les pays là, ce sont les démembrements de l'ancien empire du Mali. Vous savez tout ça. Vous savez très bien que le caractère enclavé de l'économie de territoire malien fait que des possibilités de transactions extraordinaires existent entre, n'est-ce pas, les perspectives de désenclavement peuvent rapporter plein d'argent à Abidjan, en même temps que ça développe l'économie malienne en termes de transactions, dont les deux États n'ont qu'à gagner. Ils peuvent faire qu'on gagne à tout point de vue. Mon cher, le régime malien gagne. Qui va encore dire que c'est une jeune? Qui va encore parler de ça? C'est fini. Et deuxièmement, ça ouvre des perspectives extraordinaires, n'est-ce pas, pour les évolutions futures au plan politique au Mali. Vous comprenez ça? Ça ouvre des perspectives extraordinaires. Et ça apporte de la sérénité aux Ivoiriens et aux Maliens qui échangent. Indépendamment des conflits que les dirigeants veulent créer, les Maliens là, les Ivoiriens qui échangent entre eux, qui font leurs affaires, ils gagnent. Donc les gains sont immenses à tout point de vue. La Côte d'Ivoire gagne, le Mali gagne, au niveau des peuples, ils gagnent. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mon cher ami. Donc il y a des résultats concrets à tout point de vue. Il y a des concrets à ce moment-là. Que des soldats soient rentrés. Leurs familles sont heureuses. Hein. Elles ne sont pas heureuses, c'est du concret. D'accord. J'espère qu'ils vont pas les tuer. Parce que généralement, le principe d'acheter dans l'opération, quand ça a échoué, on vous tue. Tout à fait. Et bon, nous espérons qu'on va pas les tuer. Tant mieux. Donc, je chute avec la question du président. Avec votre permission. Allez-y, président Madak. Nous insistons sur un phénomène qui a servi à nous emballer. C'est-à-dire que on appelle président en Afrique un ensemble d'individus qui ont un costume présidentiel, mais qui ne sont pas des présidents. Il faut que cette escroquerie historique, qu'on perce ça. Vous percez ça. Ça a été le moyen par lequel l'Occident est passé pour nous avoir. En mettant des faux interlocuteurs à la tête de nos pays. On a eu beaucoup de faux présidents en Afrique. Le grand défi du panafricanisme, le grand défi des pays africains, c'est de générer nous-mêmes nos présidents. Il faut que nous générons nos présidents. Nous devons générer nous-mêmes nos élites. C'est le grand défi qu'on a à relever. Quand on va réussir ça, on aura terminé cette histoire. C'est une entreprise difficile qui doit vaincre, n'est-ce pas, des barrières, des obstacles extraordinaires. Parce que c'est là aussi l'un des secrets de la prospérité du colonialisme. À savoir, on fabrique les élites, on nous les impose. Et ils savent très bien que cette élite-là, que leur sort dépend plus de leur créateur que de nous-mêmes. Le grand défi aujourd'hui, c'est de générer une nouvelle génération d'élites africaines, parmi lesquelles les hommes politiques, qui vont travailler, n'est-ce pas, pour l'Afrique. On est content de voir que l'Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, fait partie de cette élite-là. On est content de voir qu'au Burkina Faso, ce processus est lancé. Nous sommes contents de voir qu'au Niger, en dépit des apparences, c'est lancé. Nous sommes fiers de voir qu'en Centrafrique, c'est lancé. En Éthiopie, c'est lancé. Au Cameroun, c'est lancé. On est fiers que cette dynamique en Afrique est lancée, mon cher Ndoum. Peaufiner cette dynamique, travailler cette dynamique, bonifier cette dynamique, l'opérationnaliser, cette dynamique-là, pour que demain, on ait beaucoup des élites africaines dans tous les secteurs du continent africain. Élites qui sont capables, n'est-ce pas, de décliner en termes de performance individuelle et sectorielle, chacun dans son domaine. Le génie du panafricanisme, c'est un défi que nous allons relever. D'accord. Et ça sera avec, comme de bien entendu, votre concours, président Bandakani. Docteur Basilikine, ce que nous pouvons rapidement retenir, puisque nous parlons de leçons, c'est qu'on avait en face de soi, non pas comme ce que l'on a voulu nous présenter comme étant un véritable gouvernement va-t-en-guerre, loin de là, les autorités du Mali ont prôné l'apaisement, mais surtout le règlement d'un dossier qui avait plus ou moins de connotation, du moins un dossier qui devait être réglé bilatéralement. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu à la fin. Maintenant, la question, je crois, c'est Dr Douma Jean-René qui l'a d'ailleurs posé. C'est quoi finalement la suite? Quel sera le nouveau paysage de la CEDEAO? Parce que, disons-nous la vérité, plus rien ne sera pareil dans le modus operandi, que ce soit venant des gouvernements, mais aussi de cette France qui a toujours jeté de l'huile dans le feu au sein de cette sous-région-là. Personnellement, je suis optimiste. Je sais que la plupart des dirigeants africains, surtout dans les anciennes colonies de la France, ont été cooptés, non pas parce qu'ils avaient la popularité, mais parce que la France se savait certaine de pouvoir compter sur eux, quels que soient les enjeux qui viendront à se poser. N'est-ce pas? Simplement, j'ai dit, mon pays, le Cameroun, nous avions deux équipes qui se faisaient face avant l'indépendance. Nous avons l'équipe de Ruben Oumiobe, l'UPC, et nous avions en face l'équipe de M. Aïdjo et ses amis. Eh bien, systématiquement, la France a massacré, parce que c'est le terme que j'utilise, personne de ces gens-là n'ont été amenés face à un tribunal. Où on l'a trouvé, on l'a assassiné. Et ensuite, on a consacré un président dont on était certain que quoi qu'il arrive, c'est les intérêts de la France qu'il présenterait, qu'il préserverait. Je ne veux pas dire que M. Aïdjo n'aimait pas son pays, mais il aimait pour autant que les intérêts de la France n'étaient pas menacés. En tout état de cause, je crois que les jeunes colonels du Mali, ils sont jeunes, hein? Ce ne sont pas des vieillards, ce ne sont pas des gens pétris d'expérience, ni en diplomatie, ni dans le gouvernement, pas même dans l'armée, puisqu'il n'y a aucun général parmi eux, aucun officier général. Ils ont agi selon le bon sens africain, qui est l'entente, la négociation et le partage de ce qu'on a. C'est ça la différence entre l'Occident et l'Afrique. En Occident, une poignée d'individus peut s'emparer de toutes les richesses du pays et même de la planète au détriment de toutes les populations. C'est bon. Mais en Afrique, on partage d'abord avec son voisin, avec son frère, avec l'autre Africain. Voilà la leçon que nous tirons de cette affaire entre, d'une part, un Mali qui se rappelle que c'est tout de même les descendants de l'ancien empire du Mali, c'est tout de même les gens qui viennent après un Modibo Keïta, seul des présidents africains au sud du Sahara, qui n'a pas signé les accords de 1959, les accords uniques de 1959, par lesquels nous sommes aujourd'hui pieds et poings liés livré à la France. Voilà des Maliens qui ont démontré que, au-delà de la colère, au-delà de la réaction des circonstances, on peut prévoir une forme de pérennité, parce que la Côte d'Ivoire et le Mali n'ont pas le choix, ils n'ont pas autre chose à faire que de coopérer ensemble pour le bien-être de leur population. C'est la leçon que la junte a donné à l'Afrique et au monde. Eh bien, M. Ouattara a beau sortir le chapelet de tous les titres dont il se prévaut, et il est le dindon de la farce, de cette farce, parce que il n'a été que le pion d'une puissance étrangère qui recherche uniquement ses intérêts en Afrique, alors que les jeunes gens du Mali ont démontré que la priorité pour tout Africain, ça doit être l'Afrique. Parce que pour des Maliens, s'il y a des Ivoiriens qui souffrent, s'il y a des Ivoiriens qui meurent, ce sont des Maliens qui seront en deuil. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure ici qu'il y a les mêmes tribus dans les deux pays. Ouais. Et par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, je découvre avec satisfaction que en Afrique, généralement, on croit que l'âge, c'est l'argument suprême. Voilà des jeunes gens qui nous montrent que, même jeunes, on peut agir en Afrique, c'est-à-dire avec sagesse. Merci à vous. Merci, Effie de Maro. Alors, docteur Douma Jean-René, autre leçon à tirer, et comme l'a d'ailleurs signifié les autorités de la transition dans ce communiqué officiel, c'est que le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables, quoi qu'il en soit. Oui, c'est clair. Le Mali l'a affirmé à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs la première leçon que d'autres pays africains qui sont restés jusque-là, les laquais de l'Occident, doivent tirer. Si le Mali est capable de le faire, pourquoi pas d'autres pays? Donc ça, c'est la première grande leçon à tirer. La deuxième leçon, c'est que le leadership malien en matière de politique, actuellement, est un leadership jeune, mais qui pose des actes adultes, des actes de sagesse. Ça veut dire que les jeunes sont capables véritablement de conduire nos États. Ça signifie aussi que si on fait un parallèle avec certains pays où il y a des jeunes leaders politiques qui nous donnent l'impression de ne pas avoir de programme politique, de ne pas comprendre les enjeux actuels du monde, ou vers où va le monde actuel. Et l'un des exemples, si je sors de l'Afrique, c'est la France. La France, après avoir aligné des dirigeants d'un certain âge, est tombée sur un jeune dirigeant qui sème la catastrophe en France et qui l'exporte vers d'autres pays. Donc, ça veut dire qu'on peut être jeune et échouer fatalement, comme le cas de la France, comme on peut être jeune et réussir également, comme le cas du colonel Assimi Goïta et son gouvernement au Mali. Nous attendons que d'autres suivent le pas. Je suis sur un plateau où il y a des spécialistes de ces questions-là qui ont relevé suffisamment en détail tout ce qui a été pris en compte pour que nous soyons où nous sommes là. Moi, je dis simplement au président colonel Assimi Goïta de continuer dans cette dynamique-là. Il a tout notre soutien et tous les chefs d'État qui vont aller dans son sens ont également notre soutien. D'accord, merci à vous d'être encore ensemble de tout. Puisqu'on veut passer au second sujet, que doit-on finalement en dire sur ce fait d'actualité? On doit dire sur ce fait d'actualité que chaque exécutif à la tête des États doit avoir pour premier rôle d'asseoir et d'affirmer la souveraineté du pays. C'est en ça qu'il faut comprendre les propos du président Banda qui dit que nous n'allons jamais accepter la politique que mène le président Ouattara. Parce que la politique que mène le président Ouattara, c'est justement de maintenir la Côte d'Ivoire comme étant un petit espace d'exportation de fèves de cacao, un espace tropical en Afrique. Ses amis, ses guichets internationaux ne lui donnent même pas les financements pour qu'il y ait la transformation de la fève de cacao en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'on lui lève les fonds pour que justement l'exportation de la fève de cacao se fasse plus rapidement dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on modernise son port pour qu'il y ait davantage d'exportation de la fève de cacao. Production industrielle, zéro. Côte d'Ivoire. Production industrielle, zéro. S'il transformait 30% de la fève de cacao, j'ai lu une étude, ça générerait 1 million d'emplois en Côte d'Ivoire. C'est 2 millions de tonnes de fèves de cacao. Vous transformez 30%, c'est-à-dire vous transformez sur place 600 000 tonnes de fèves de cacao, vous générez 1 million d'emplois. Et vous générez 1 million d'emplois, de fait, ça envoie le pays vers l'émergence. Parce que que les effets induits sur le plan des économiques, financiers, des assurances, des banques, Monsieur Ndouma va expliquer mieux. Il y a ça. À partir de la crypto-monnaie, c'est un spécialiste, un expert. La question de crypto-monnaie. À partir de la crypto-monnaie, il peut faire appel à d'autres fonds. Il peut faire appel à d'autres fonds. Mais rien du tout. Tanga nord, Tanga sud. C'est-à-dire que aménage le port pour davantage vendre le pays. Et ce qu'on nous appelle les financements étrangers, les investisseurs étrangers qui veulent... Non. C'est ce que j'ai expliqué au début de l'émission, les sociétés montées par les clans des Siciliens, ce sont des investisseurs étrangers, c'est ça qu'on retrouve chez nous. Parce que McGill existe au Canada, McGill fait de bonnes routes au Canada, des stades, des trucs correctement, mais regardez McGill Cameroun. C'est une entreprise mise en mouvement par les clans des Siciliens. La souveraineté. La souveraineté. Deuxième des choses, ça met clairement au pouvoir et ça bat en brèche l'idée dans la tête de certains Africains qui veulent qu'un homme en tenue ne peut pas gérer un pays, ne peut pas avoir un destin porteur pour un pays. C'était même une erreur. Parce que si on avait constitutionnalisé ça, c'est-à-dire que des possibilités de destitution, de feignants qui arrivent au pouvoir, de rois feignants. C'est comme ça que M. Sarkozy va insulter son mentor Chirac. Vous êtes un roi feignant. Je dis de bons feignants arrivés au pouvoir. Si on avait mis dans nos constitutions la possibilité qu'un militaire dise que mais moi je peux donner la direction à un pays. Je peux diriger un pays. Peut-être on n'aurait pas eu. Et la France n'aurait pas eu la possibilité, comment je vais dire, que de multiples coups d'état et l'instabilisation qu'on a. Un militaire peut diriger un pays. Un militaire peut fixer un cap. Un militaire peut amener, un militaire peut avoir la vision pour son pays. Ailleurs, les militaires... D'ailleurs, le président Banda le dit, il me dit, mais monsieur Tatinda, qu'est-ce que tu crois? Les États-Unis, mais tu n'es pas un militaire, tu peux gérer les États-Unis. C'est un pays militarisé. C'est-à-dire, tu bois un litre d'alcool, on t'arrête, on te teste, on t'envoie en prison, on te bastonne. Vous avez vu la gestion de marche aux mains nues des gilets jaunes. La gestion d'un pouvoir civil, démocratiquement dit-on élu, d'un grand démocrate. Vous avez vu comment ils ont géré sur le plan de la répression militaire sur le terrain, ça bat ça en brèche. Et c'est ce que nous expliquons. Que vouloir le pouvoir, ce n'est pas un délit. Faut vouloir le pouvoir quand vous avez une vision pour votre pays. Quand vous pensez que vous pouvez apporter dans votre pays. Faut même participer à la gestion du pays. Ces oppositions qui crient quand vous allez accompagner le président. Oh, c'est un traître, il a vendu le pays, il est allé au pouvoir. C'est sérieux. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Mais vouloir le pouvoir et mettre des pratiques, comment je vais dire que, à des pratiques sataniques, en orbite, vendre les intérêts du pays, parce qu'on va être coopté et porté pour aller au pouvoir. Et quand on arrive dans le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe ce qui est arrivé au Mali, où il y a eu ces changements. On nous expliquait que c'est le pays où il faut aller apprendre la démocratie. Regardez, peuple camerounais, vous avec votre pouvoir qui dure éternellement. Venez voir la démocratie au Mali. La démocratie du Mali a mené le Mali plus bas que terre. Donc, la question des militaires au pouvoir, la question des élections, nos modèles démocratiques, non, vraiment. Quand on arrive au pouvoir, la première des choses, c'est de mettre en branle les questions de souveraineté. Un pays souverain est un pays dans lequel la corruption ne peut pas atteindre un certain niveau. Et le président Banda, au début de l'émission, l'expliquait. Que comment vous luttez, même structurellement et conjoncturellement, contre la corruption au Cameroun? Vous faites comment? Le président Biya a 40 ans d'exercice de pouvoir. Vous savez combien de remaniements ministériels il a? 33 remaniements ministériels. Un gouvernement dit au Cameroun en moyenne 1 an, 4 mois, 5 mois. 33 remaniements ministériels. Il n'y a pas une famille au Cameroun qui n'ait de près ou de loin quelqu'un qui a appartenu plus ou moins de façon forte au gouvernement. Ça a changé la corruption. D'ailleurs, ça me dit même M. Tatinda, ah, toi tu cries, Afrique Média, vraiment, tu dis que je ne fais pas de remaniement. Propose-moi un ministre de l'économie et des finances. J'avoue que moi, quand je regarde le clan des Siciliens à l'administration, j'aurais du mal à lui donner un nom. Un pas le dire. Il y a la ressource humaine. On a des administrations en Afrique qui ne sont pas sérieuses. Et ça risque d'arriver au Mali à la fin de la transition. On risque d'aller aux élections. On a un pouvoir qui est légitime, mais qui accompagne le pouvoir. Qui accompagne le pouvoir? Voilà le problème de la ressource humaine. On le voit en RCA, on le voit au Tchad, on le voit chez le rigolo Tshisekedi, on le voit chez Macky Sall, la paix découverte le pétrole. Son petit frère anglais dans une histoire compliquée, il dit dans un cabinet de conseil de pétrole avec les anglais BP. Oh, BP dit que mais tu étais dans l'intermédiation de cette histoire. Oh, on a payé les commissions. Macky Sall qui dit que oh, la justice va passer. Un membre du gouvernement qui démissionne et dit que je ne suis pas dans cette histoire vraiment, peuple sénégalais. C'est monsieur Macky Sall, le grand démocrate Macky Sall. Le jeune président Macky Sall, grand démocrate. D'ailleurs, on me dit qu'on marche aussi au Sénégal. Vous savez sur quoi? Je vais parler à voix basse. Détournement des fonds du Fonds monétaire international pour la riposte Covid. Les mêmes histoires que le clan des Siciliens a monté au Cameroun. Il y a aussi un clan des Siciliens au Sénégal. Marche! Les Sénégalais disent monsieur Macky Sall que rend justice. Il dit non, non, non, non. Il n'y avait qu'ils n'ont détourné que 2% de la somme. C'est ridicule. Ma justice va... oui, mais présent, il a déclaré 1 milliard qu'un petit fonctionnaire. Je dis, avec non, un salaire en CFA. Comment il a 1 milliard? On va donc évaluer la richesse de sa femme, de ses frères, depuis qu'il est président. On va évaluer tout son village. Mais il n'a été payé qu'en CFA. Ouais. Comment vous pouvez être payé en CFA et vous déclarer vous avez des patements, le milliard, 2, 3, 4 milliards. Vous êtes payé en CFA. Donc, voilà. Ce que M. Ndoum, ça peut nous dire comme véritable réflexion. Mm-hmm. Et ça enchaîne sur le deuxième sujet, de savoir qu'à partir du moment où l'ordre mondial économique et politique est en train de changer, on en revient donc à une histoire que ben, c'est terminé. C'est-à-dire que les périodes faste des clans des Siciliens... la période peut-être des vaches maigres qui s'annoncent. Merci à vous, très cher monsieur, pour vos nombreuses contributions. Afrique Média, le monde, c'est nous.